Merci. Antoine qui arrive de Mulhouse, donc un peu, qui est un peu entre deux, donc il profite pour finir de manger. Donc merci déjà d'être venu et bienvenue à toutes et tous. Je vais vous présenter rapidement Table Rase, parce que donc on est réunis aujourd'hui à l'initiative de l'association Table Rase. Donc on a créé cette association en 2010 et son objectif initial était de construire des outils d'échange, de partage, de formation et de créer un espace où puissent se confronter les différentes tendances du marxisme et plus généralement les différentes tendances du mouvement révolutionnaire. On l'a construit comme un espace de dialogue et surtout un espace qu'on voulait vraiment dynamique, c'est-à-dire que l'objectif de Table Rase, c'est pas uniquement de rester dans la sphère théorique, mais c'est aussi de s'armer en fait collectivement pour pouvoir être plus performant et plus armé dans la lutte, dans les combats que nous menons dans la lutte des classes, parce qu'on est avant tout des militants, en tout cas pour ceux qui constituent l'association. Donc concrètement, on organise des conférences, comme aujourd'hui où on sollicite l'intervention de militants, on sollicite l'intervention d'universitaires, on sollicite l'intervention de chercheurs ou de chercheuses sur différents sujets qui sont toujours en lien avec ce qui pour nous structure la société capitaliste, c'est-à-dire les rapports d'exploitation et de domination et leurs corollaires, les projets d'émancipation. Donc les thématiques des conférences qu'on propose, on les décide collectivement. Et puis avant les conférences, tous les 15 jours, on se réunit donc, avec les adhérents de Table Rase et on discute autour des textes qu'on lit collectivement la plupart du temps pour essayer de se former sur les problématiques qu'on aura choisies pour la prochaine conférence et pour arriver le jour de la conférence avec nos invités derrière à avoir un débat un peu plus riche et d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans toutes les questions qu'on aura décidé d'aborder. Donc récemment, par exemple, on a travaillé sur le racisme, sur l'impérialisme, le colonialisme, sur les questions de genre et d'identité sexuelle. On a beaucoup travaillé sur les questions de la solidarité internationale. On a créé des liens avec des révolutionnaires au Moyen-Orient, en Iran, en Irak, au Maghreb, en Amérique du Sud. Ça a été un gros travail qu'on a fait tous ensemble. Et au fin janvier, notre prochaine conférence, donc on invite Aurore Cochin sur son livre La Révolution féministe. Donc on vous invitera sur notre Facebook ou notre site internet. La date, elle n'est pas encore tout à fait calée, mais ça sera fin janvier. En ce moment aussi, on organise des cercles de lecture sur le Capital, donc sur le Capital de Karl Marx, tous les 15 jours, le dimanche après-midi. Donc en fait, l'idée, c'est on lit collectivement des passages du Capital et qu'on a préparé plus ou moins à l'avance chez nous. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de le comprendre collectivement et d'échanger sur les compréhensions qu'on en a chacun et chacune. Donc on organise aussi régulièrement des ciné-clubs militants, c'est aussi le dimanche, le prochain c'est demain. C'est un film sur le groupe Medvekine, sur les cinémas militants et les liens des grèves et des usines à Sochaux. À l'époque on faisait des cours de langue aussi pour les camarades étrangers, mais ça on le fait moins. Et on participe aussi à la gestion de ce lieu, donc là vous êtes jusqu'ici, pardon. Donc il y a une bibliothèque, une librairie, il y a des permanences, vous pouvez venir boire un café. Donc voilà, c'est aussi un des travaux, enfin, on fait vivre aussi, on participe à la vie de ce lieu. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, pour connaître un peu plus le lieu après la conférence, vous pouvez boire un coup, boire un café, boire un coup ici. Mais pour ça, il va falloir que vous restiez jusqu'à la fin, donc il va falloir que vous écoutiez l'exposé de Laurent et Antoine jusqu'à la fin, donc on est très content de les accueillir. Donc Laurent et Antoine, donc, sont militants au comité syndicaliste révolutionnaire de la CGT. À Toulouse pour Laurent et à Mulhouse pour Antoine. Et donc, en fait, il nous a paru intéressant à quelques jours de la grève du 5 décembre, qui s'annonce relativement massive, de les inviter pour nous présenter un peu l'histoire des comités syndicalistes révolutionnaires, de discuter de leur position, de leur intervention, de leur stratégie dans les différentes luttes, pour avoir dans un deuxième temps une discussion un peu collectivement sur les possibilités. Qu'on a pour sortir de la culture de la défaite, donc ça c'était le nom qu'on a de notre conférence, et puis pour voir voilà, comment on va pouvoir s'organiser pour gagner et comment on va pouvoir s'organiser pour sortir aussi de constamment des luttes défensives comme on va y avoir sur les retraites par exemple, pour pouvoir proposer aussi des modèles plus généraux et plus émancipateurs. Voilà, donc je vous remercie, je vais leur laisser la parole, j'ai déjà trop parlé. À vous de jouer, camarades. Donc moi c'est Laurent, on va faire un court exposé hein, pour laisser la place plutôt au débat, aux questions et aux interventions. On va juste expliquer un peu Le pourquoi notre tendance et un peu l'histoire de ce courant qui a façonné pas mal le mouvement ouvrier français, pas seulement, pour un peu élargir aussi à la dimension internationale, et aussi en profiter pour casser un certain nombre de mythes qui ont été un peu, bon, pas que sur nous, mais qui globalement ont été malheureusement mis en avant systématiquement ou assez régulièrement pour aller au-delà de ce qui a été une réalité, malheureusement ou heureusement. Donc on va rapidement, bon, sur l'histoire, en fait, pour expliquer l'émergence du syndicalisme missionnaire, qui est un courant assez influent dans le mouvement ouvrier français, comme on disait. Donc on va aller vite, hein, mais faut préciser un peu ce nombre de choses. Parce que donc c'est un mouvement qui va émerger quand même assez relativement en France, avec une situation qui est elle aussi un peu spécifique, un peu favorable, on va le dire, clairement, à l'époque. Donc c'est autour de 1890, hein, où il y a plusieurs éléments qui vont jouer dans l'apparition de ce courant. Avec tout d'abord donc une crise que commence à traverser le mouvement dit socialiste à l'époque, donc qui est encore un peu compliqué, qui est encore un peu confus par rapport aux outils, par rapport à ses tendances, par rapport à ses débats, ses stratégies, ses pratiques. Mais globalement, il y a une crise. Il y a une crise qui est évidente, une crise qui émerge progressivement suite à la répression de la Commune, hein, et des communes, maintenant on peut dire, puisque c'est une commune à Lyon et dans d'autres villes, à Toulouse, et ainsi de suite. Mais principalement à Paris, où là c'était quand même assez sanglant et la répression fut massive. Donc le mouvement socialiste va se réorganiser principalement au début sur les courants dits affinitaires. Alors pour nous, affinitaires, c'est pas péjoratif, hein, c'est des courants philosophiques, c'est-à-dire les orientations auxquelles on adhère avant tout pour des adhésions de type philosophique, de reconnaissance mutuelle sur des pensées philosophiques. Donc c'est avant tout sous ces orientations-là que le mouvement va se réorganiser. Vont émerger plusieurs tendances organisationnelles, hein, rivales, qui, alors rivales, il faut quand même nuancer les rivalités, puisqu'on voit quand on étudie, pas ne serait-ce que la vie des militants, avec ne serait-ce que des supports comme le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Métron, on voit qu'en fait les militants passent souvent d'une orientation à l'autre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas des remparts, il y a des débats, il y a des confrontations, mais aussi beaucoup de mouvements entre les tendances. À l'époque, donc, il y a plusieurs tendances dans les partis dits socialistes, qu'il y en a plusieurs. Le principal, donc, ce qu'on appelle le guédisme, hein, du nom de Jules Guédes, qui est le principal dirigeant du mouvement ouvrier français, donc quelqu'un qui est issu du mouvement communard, qui lui-même est anarchiste au début, puis va être le porte-parole de la principale tendance du socialisme français, avec une spécificité un peu particulière. C'est un courant qui, dans la phraséologie, est très révolutionnaire, très marxiste, très orthodoxe, mais qui obtient rapidement des acquis en termes de victoire électorale dans les municipalités. Donc, va se retrouver en responsabilité dans son municipalité et va voir comme relativement une politique un peu opportuniste, un peu confuse sur ses initiatives, entre autres électorales. Donc il commence à y avoir une crise dans ce courant-là, qui est donc courant majoritaire. Au même moment, donc, il y a une autre tendance qui s'appelle les possibilistes. Alors, les possibilistes, c'est un courant qui est varié, mais qui a pour idée de mettre en place ce qui est possible immédiatement. Entre autres, pareil, sur les élections. Donc c'est un courant qui gagne des mairies et qui lui aussi rapidement n'arrive pas à utiliser les bastions, ce qu'ils estiment être des bastions électoraux, pour en faire des bastions socialistes où il serait possible de mener ne serait-ce que des politiques sociales. Donc ce courant va exploser lui aussi. Troisième courant en crise, c'est un peu plus tardif, mais ça commence assez rapidement. C'est le mouvement anarchiste qui est confronté donc à une stratégie qui s'appelle la propagande par le fait. Donc, qui consiste en fait à favoriser ou à laisser faire des actions minoritaires de petits groupes ou d'individus, et avec le mythe que par l'action individuelle, par l'action symbolique, on va pouvoir pousser les masses, entre guillemets, à agir et à reproduire ces confrontations avec le système. Donc, ça a pris parfois la forme de, bon, les attentats pour ce qui est plus connu, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des actions illégales, plus massives, plus accessible que l'attentat, quoi. Donc le mouvement anarchiste lui aussi rentre en crise à ce moment-là, avec des débats internes. Et quatrième organisation qui rentre en crise, c'est ce qu'on appelle la Fédération nationale des syndicats, qui est en fait l'organisation qui émerge progressivement autour des années 1880, qui va regrouper donc les syndicats, qui à l'époque, précisons-le, sont des syndicats de métiers. Hein, pourquoi? Bah, tout simplement, le mouvement ouvrier a comme une tradition qui est ancienne, qui est lié aux corporations, qui se divisent avec des confrontations de classe. Donc c'est avant tout par le métier qu'on s'organise, hein, puisqu'à l'époque, il faut rappeler des choses que parfois on entend, même dans les milieux militants actuels, qui sont un peu bizarres. Le CDI à l'époque n'existe pas. Hein. On n'attend pas d'avoir un CDI pour militer syndicalement. La norme, c'est qu'on n'a pas de CDI. Donc c'est à travers le métier qu'on organise la solidarité quotidienne, à travers bon, aussi bien des sociétés de secours mutuels, hein, pour ce qui est l'ancêtre de la sécurité sociale, mais dans le cadre du métier. Mais aussi donc ces sociétés de secours mutuels qui, dans le cas de conflits de métiers dans une localité principalement, bah, se transforment en caisse de grève et donc se transforment après en syndicat. Donc on trouve les mêmes personnes qui au début étaient dans la société de secours mutuel et qui au final se retrouvent à animer le syndicat de métier. Donc la Fédération nationale des syndicats regroupe des syndicats de métier au niveau national, mais très mal structurés. Donc il y a une poussée des grèves à l'époque, mais la FNS n'arrive pas à structurer les grèves, à les rendre victorieuses déjà. Bien souvent, c'est des échecs. Il y a peu de solidarité, il y a peu de structuration sur un cadre national des grèves pour les métiers. Il y a une difficulté à structurer la grève au niveau local aussi pour qu'il y ait une solidarité interprofessionnelle. Enfin bon, c'est une organisation qui rentre en crise. Voilà. Alors là, pour casser un préjugé, bon, puisque souvent notre courant prend l'appellation anarcho-syndicaliste, bon, ça c'est écrit par la suite par rapport à différents historiens ou autres. C'est pas du tout au niveau du mouvement libertaire que le courant syndical social va émerger. La première initiative va venir en fait d'un courant issu du possibilisme qu'on appelle à l'époque l'allemannisme, du nom du principal dirigeant. Bon, lui-même ne voulait pas du tout donner son nom au courant. C'est Jean Allemann, qui est un dirigeant de la commune qui survit à la répression. Ce courant-là a des bastions, donc deux principaux bastions, c'est les Ardennes et Paris, puisque Paris à l'époque est une ville ouvrière. Alors Paris, c'est le département de la Seine, hein, c'est plus large, c'est aussi la banlieue proche. Et donc là, c'est le bastion des Allemannistes qui est un courant vraiment ouvrier, hein, dans sa composition sociale. Et donc c'est un courant qui était au début possibiliste, c'est-à-dire qui pensait réellement qu'on allait pouvoir utiliser les municipalités pour en faire des bastions socialistes, pour impulser des politiques sociales, pour créer de la solidarité et impulser des grèves. Et en fait, le bilan n'est pas terrible. Et donc, c'est eux qui vont prendre la tête matériellement en termes de militants, qui vont s'appuyer donc sur la Bourse du Travail de Paris, qui était donc une institution créée. Alors, je dis institution, c'est volontairement. Hein. C'est pour ça, parfois, il faut utiliser les erreurs de l'adversaire. C'est-à-dire que la Bourse du Travail de Paris a été créée donc par la municipalité de Paris, qui est une municipalité de gauche, qui s'est dit le mouvement ouvrier passe à l'offensive, on va essayer un peu de les canaliser. Donc, on va leur proposer des activités pour les amener vers du syndicalisme de service, comme on appelle actuellement, ce qui n'est pas forcément péjoratif. Hein. Et donc, on va essayer de les canaliser comme ça. Donc, on va leur offrir en fait un bureau de placement, puisqu'à l'époque, les ouvriers, parce qu'on nous fait croire que, bon, je ne me suis pas présenté, excusez-moi, je suis ouvrier intérimaire dans la construction. Donc, on nous fait croire depuis 30 ans que l'intérim, c'est quelque chose de vachement nouveau, vachement moderne, et c'est super, ça vient des États-Unis, c'est vraiment le mec plus ultra de la gestion de la main-d'œuvre. Or, c'était la norme au 19e siècle. Hein, c'était le bureau de placement. C'est-à-dire qu'un ouvrier, bien souvent, pour trouver du travail, passait au bureau de placement. Et c'est le bureau de placement qui le plaçait et qui négociait avec le patron. Et donc, l'ouvrier n'avait pratiquement rien à dire. Et donc, tu t'es placé dans une entreprise par le bureau de placement patronal. Et donc, tu te retrouvais comme un intérim maintenant. Donc, tu étais dans une entreprise. Voilà. Et donc, la municipalité de Paris propose à l'organisation syndicale de faire des bureaux de placement pour que ce soit les syndicats qui aient la même activité. En se disant, bon, comme ça, on va leur faire on va laisser faire un mumuse avec ce gadget, et puis comme ça, ils feront un peu moins de grève, ils feront un peu moins d'éducation socialiste, ils feront un peu moins d'agitation. Et donc, les militants allemandistes vont, par rapport à l'échec de la stratégie électorale des municipalités, vont en fait se repositionner en donnant l'accent à l'activité syndicale. Donc, ceux qui vont se faire les porte-parole principalement de la grève générale, de la stratégie de la grève générale, hein, pour la stratégie révolutionnaire, c'est eux qui vont remettre un point sur les i sur le rapport avec la petite bourgeoisie, avec la gauche, en disant on veut un parti ouvrier. Donc, ils se présentent aux élections, mais avec des mandats. C'est-à-dire, quand tu te présentes au POSR, donc c'est le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, les élus signent un mandat avant qui est utilisé pour les forcer à une démission de leur poste d'élu, de maire, et ainsi de suite. Et surtout, ce qui va amener ce courant à être très influent, c'est qu'ils vont mettre en place toute une activité sociale, coopérative. Par exemple, dans la vallée de la Meuse, dans les Ardennes, il y a énormément, dans tous les villages ouvriers des Ardennes, il y a des coopératives socialistes. Je dis bien socialistes, non pas les coopératives telles qu'on les connaît actuellement. qui a pour vocation actuellement plutôt à faire des îlots de gestion de gauche, patronat ou sympa, mais pas plus. Là, c'est vraiment une logique de socialisation qu'il y a derrière, de coordination. Et surtout, ils vont prendre la tête matériellement, ce qui sont majoritaires de la Bourse du Travail de Paris, pour en faire autre chose que ce que la municipalité de gauche voulait en faire. Donc, ils vont utiliser la Bourse du Travail de Paris comme une contre-société ouverte aux activités d'entraide, mais aussi de socialisation, si on sort du syndicat de métier pour aller vers un syndicalisme de classe et aller au-delà du syndicat de métier. Voilà. Donc, c'est eux qui vont donner l'initiative et qui vont être la première force qui va permettre donc de mettre en place des bourses du travail dans d'autres villes. Donc, la deuxième après, c'est à Toulouse, et puis après, ça va se développer dans pratiquement toute la France. Ils vont être aidés par d'autres courants qui vont venir les aider, donc ce qu'on appelle les courants blanquistes, qui est un courant issu plutôt du républicanisme socialiste insurrectionnel, hein, qui faisait plutôt donc Blanqui, qui est un militant révolutionnaire qui était connu pour avoir fait beaucoup d'années de prison. Donc ce courant-là va les aider aussi. Donc à Toulouse, par exemple, c'est le courant blanquiste qui est majoritaire, qui va mettre en place la Bourse du Travail de Toulouse avec la même idée, hein. Puis après, des sensibilités anarchistes vont venir les aider. Donc Pelloutier est pour le plus connu, mais il y en a d'autres, hein, Pouget, et qui vont venir donc les aider. Donc tous ces militants convergent vers la mise en place d'un syndicalisme qu'on va appeler syndicalisme révolutionnaire, qu'on expliquera après. Autre élément, alors c'est issu principalement de France, mais très rapidement, donc cette impulsion va trouver des relais dans d'autres pays, à tel point qu'un historien qui, il y a quelques années, avait fait une étude et qui avait dit que Paris, à l'époque, était la Mecque du socialisme, du syndicalisme révolutionnaire. C'est-à-dire que réellement, il y a des militants qui viennent du monde entier, pratiquement, et qui viennent à Paris pour voir ce qui se passe, qui vont rencontrer les militants, qui prennent des brochures, qui repartent dans leur pays, qui les traduisent. Et donc, on va voir l'émergence de ce courant très rapidement dans d'autres pays, donc les pays les plus proches, où il va devenir assez influent, donc, voire majoritaire en Espagne, au Portugal, très majoritaire au Portugal, ce qui est peu connu, parce que souvent on présente les camarades portugais comme des affreux jaunes sur les chantiers entre autres de la construction, ce qui est loin d'être le cas à l'époque. La CGT portugaise était bien plus dure que la CGT française, par exemple. En Italie, dans les pays de l'Est, mais aussi dans tous les pays anglo-saxons où va se mettre en place ce qu'on va appeler d'ailleurs le syndicalisme, c'est-à-dire qu'en fait ils reprennent le mot syndicalisme qui est le mot français, puisque dans les pays anglo-saxons il y a un autre type de syndicalisme, soit très corpo, soit ce qu'on appelle l'unionisme, qui est un syndicalisme assez mou pour simplifier les choses, et donc vont émerger dans les pays anglo-saxons, donc un peu en Australie, Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, mais surtout en Angleterre, en Irlande. En Écosse, c'est un syndicalisme révolutionnaire qui est majoritaire, hein, qui est entre autres dans les professions peu qualifiées et qui pèse les mineurs, les travailleurs des transports, la métallurgie. Donc des vrais bastions dans les pays anglo-saxons avec ce mot syndicalisme, et les militants se connaissent. Hein. Nous, on a travaillé sur les archives, par exemple, de Monat. Les militants échangent, s'appellent par leur prénom, les articles sont traduits, ils font des échanges d'articles, de bilans de grève au quotidien. Hein, on fantasme sur Internet actuellement, mais à l'époque, l'international est beaucoup mieux structuré que maintenant, alors qu'on a des pseudos internationaux qui existent. Je vais aller vite. Donc, montée en puissance avant la Première Guerre mondiale, et souvent le syndicalisme révolutionnaire est présenté comme un mouvement en crise en 14, oui, principalement, même si c'est le principal courant qui a lutté contre la guerre par rapport à. Là aussi, un mythe qui est développé. Par exemple, on nous dit qu'il n'a pas lutté contre la guerre 14-18. Or, en fait, chose qu'on ne connaît pas, il y a une seule étude qui a été faite. Par exemple, on ne le sait pas, hein, mais une seule, encore, c'est une historienne canadienne qui l'a fait. En 1913, en France, il y a des dizaines de révoltes de régiments. C'est-à-dire que les régiments se révoltent en France. En 1913, c'est le fait des jeunesses syndiquées de la CGT, donc l'organisation de jeunesse de la CGT, qui impulse les grèves, des véritables révoltes dans les régiments français. Qui seront durement réprimés. Pareil, les manifestations à Paris où les jeunesses syndicalistes vont péter la gueule à l'extrême droite, prennent le contrôle, entre eux même, du quartier latin qui n'est pas leur quartier. Donc la dernière manifestation, par exemple, en France qui est contre la guerre, c'est les jeunesses syndicalistes qui appellent à manifester avec les militants de la vie ouvrière. Voilà, et donc après-guerre, ce courant se réorganise, et l'apogée du mouvement syndicaliste révolutionnaire, ce n'est pas du tout l'avant-garde, c'est l'après-guerre. Hein, quand on étudie, ça repart de plus belle, et beaucoup plus massivement, et dans une extension internationale, et même dans des pays qu'on ne suppose pas, l'Indonésie par exemple. Là, j'ai rencontré des militants indonésiens il y a encore une dizaine d'années, où les militants indonésiens te disent, mais clairement oui, notre mouvement est issu du syndicalisme révolutionnaire l'Indonésie. Nos militants qui ont monté le syndicalisme en Indonésie, c'est les syndicalistes révolutionnaires qui venaient de Nouvelle-Zélande et qui sont venus. Voilà. Même chose pour la Chine. Hein, le Parti communiste chinois, on en parle beaucoup, mais on ne dit jamais, il était créé par un syndicat révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y avait des Chinois, oui, mais ils ne connaissaient pas grand-chose. C'est un militant. C'est Slem Viet, donc, qui était dirigeant des syndicats révolutionnaires aux Pays-Bas, qui construit le Parti communiste chinois de toutes pièces. C'est celui qui est envoyé pour construire le Parti communiste chinois. C'est un militant connu, qui est un copain Monat français. Bon, c'est tout un réseau qui existe. Tom Mann, Foster, Amérique du Nord, et tout ça. Tous ces militants se connaissent. Et donc, une internationale qui a se monté, qui s'appelle l'Internationale syndicale rouge, dans l'après-guerre, dans les années 20, qui va faire un vrai mouvement offensif international. Voilà. Donc, le mouvement entre en crise au tournant de 23, pour simplifier les choses. Ça dépend des pays. Avec différentes faiblesses, hein, manque de structuration internationale, une vision stratégique un peu trop simpliste, manque de préparation militaire, même s'il y a eu des pays où c'était très quand même préparé. On peut donner l'exemple, par exemple, des camarades irlandais avec l'insurrection de Pâques en Irlande du Nord et en Irlande du Dublin, principalement, hein, où l'IRA historique a été formée en partie par les syndicats révolutionnaires avec... La branche syndicale révolutionnaire, l'ICA, donc c'est Connolly, pour ceux qui connaissent, qui impulse l'insurrection de Dublin en 1916. Parce qu'on, pareil, on nous dit qu'on n'a jamais combattu la guerre. Moi, la seule insurrection que je connais en Europe contre la guerre, c'est 1916 en Dublin. C'est nos camarades qui l'impulsent, hein, c'est avant 1917 en Russie. Là, pareil, c'est pas du tout connu. Avec aussi une branche de femmes, hein, parce qu'on dit aussi qu'on était d'affreux machos. Or, il y avait dans l'ICA en Irlande, vous imaginez ce que ça veut dire, hein, par rapport à l'Irlande de l'époque, catholique, machin, il y avait une branche armée de femmes, hein, un bataillon de femmes en uniforme, combattantes, avec des responsabilités, des officiers, au combat physique avec les mecs sur les barricades. Bon, c'est du féminisme concret. Le mouvement entre en crise en 23. Pourquoi est-ce qu'il y a un reflux? Principalement, la principale raison, il y a un reflux ouvrier autour de 1923 avec l'échec de la révolution allemande en 23. Donc c'est le dernier échec. Et le courant va se diviser en fait en trois tendances. Donc ça, on en parlera rapidement. Sur les outils. Donc le mouvement syndical soutenir, c'est pas juste vive la grève générale. Parce que pour avoir la grève générale, c'est un travail à préparer. Donc comme il y a une culture ouvrière à l'époque. Bah, comme pour tout travail, il faut des outils. Donc on se prépare pour la grève générale avec des outils, on se prépare pour l'action quotidienne avec des outils, et on se prépare aussi avec des outils pour gérer le socialisme, le construire et le gérer. Et donc, les militants planifient donc avec une culture ouvrière, il nous faut des outils pour l'action quotidienne, pour l'action révolutionnaire, la grève générale, et pour la gestion socialiste planifiée quand on aura pris le pouvoir. Donc il y a des outils qui vont émerger. Bon, ben, c'est les bourses du travail, on en a parlé, pour l'activité de solidarité interprofessionnelle quotidienne, hein, mais aussi qui a pour vocation à servir de pouvoir le jour de la grève générale pour coordonner localement la grève générale, mais aussi qui a pour vocation de concrètement remplacer les mairies le jour où le socialisme sera mis en place dans les municipalités, enfin dans les communes, on va dire. Donc voilà. Ensuite, même chose, il y a plutôt une vision de métier. Le syndicat révolutionnaire va se créer avec un nouvel outil qui est de dire qu'il faut aller au-delà du syndicat de métier. Sinon, avec un syndicat de métier, on ne pourra jamais gérer sur une base socialiste la société reconstruite sur les cendres du capitalisme. Donc il nous faut un outil à la fois qui est utilisé dès maintenant pour coordonner les grèves, pour éduquer, pour qu'on s'auto-éduque sur une connaissance de notre profession, hein. Parce que ce n'est pas le jour J qui va se faire dire, bon, je dis n'importe quoi, dans l'électricité, par exemple, l'énergie, bah, il nous faut tant de puissance électrique pour telle commune, il nous faut tant au niveau national sur le réseau, ainsi de suite. Donc il faut aussi que dès maintenant, les syndicats commencent à penser, à planifier, à se préparer au jour J. Et puis il faudra surtout le jour J bah, que ça redémarre tout de suite. Quoi, parce qu'au bout de trois jours, si tu n'as pas donné à bouffer à la population et tu n'as pas d'électricité, le socialiste, ça s'appelait la disette, la famine, et bon, il n'y aura plus grand monde au bout de 15 jours pour soutenir le système. Donc se met en place donc, des syndicats d'industrie, donc ça chose très importante parce que c'était la norme en France il y a encore pas si longtemps, mais c'était remplacé par des syndicats d'entreprise principalement. Donc le syndicat d'industrie, c'est tout simple, hein, c'est qu'on regroupe tous les travailleurs d'une même profession dans un seul syndicat, au-delà de leur métier, au-delà de leur entreprise, d'accord. Donc ce qui veut dire dès la formation, donc entre autres les apprentis, les chômeurs, les travailleurs en formation, en demande d'emploi, pardon, aussi les retraités, parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de retraités, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de retraite. Mais l'idée, c'est aussi ça, qu'il y ait des pensions. Donc voilà, donc le syndicat d'industrie sert à ça. Donc il y a vraiment une vision très claire, puisque donc on parle souvent de la charte d'Amiens, avec ce qu'on appelle la double besogne, hein. Mais vraiment, c'est ce qui structure l'activité quotidienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dichotomie entre l'action quotidienne et l'action révolutionnaire. C'est-à-dire tout doit être pensé avec l'objectif final. Donc, on s'organise, on prend des outils, on mène l'activité, non pas avec la perspective immédiate, hein, mais avec la perspective de la révolution comme but ultime. Donc, les outils adaptés et la stratégie qui crée une dynamique pour aller le plus loin possible dans l'action. Je vais vite, hein, excusez-moi, mais. Donc, je reviens sur la crise. On a une crise donc, pour simplifier, autour de 1923, c'est le cas pour la France, en tout cas. Mais c'est le cas bon, un peu, principalement pour l'Allemagne, mais aussi pour les pays autour qui pensaient qu'avec l'Allemagne, on avait une perspective révolutionnaire qui était toujours présente. Parce que dans les autres pays, c'est déjà quand même à l'époque un reflux. Hein, ça dépend des pays, mais par exemple, en Espagne, c'est assez rapidement dès 1919. Hein. En France, c'est 1920, ça commence avec l'échec de la grève de 1920, ça commence à déconner. Ça dépend des pays. L'Italie, en 1919, hein, bon, ça dépend des pays. Mais en tout cas, en 1923, il y a une prise de conscience des militants que là, il y a un reflux de la vague révolutionnaire émergente à partir de 1916, hein, pour simplifier. Et à partir de là, donc, le syndicalisme révolutionnaire va se trouver confronté à une division interne. Donc, division externe, bon, qui était un peu historique, mais qui va prendre des tournures un peu plus tendues entre les réformistes et les révolutionnaires. Alors, nous, quand on parle de réformistes, ce n'est pas péjoratif. Hein. Nous, dans notre presse, dans notre intervention dans les syndicats, quand on dit réformistes, ce sont des camarades. Hein, c'est-à-dire que pour nous, le réformiste, c'est Jean Jaurès. C'est des militants qui pensent qu'on va aller au socialisme par des réformes. Les révolutionnaires, c'est ceux qui pensent qu'on va aller au socialisme par une rupture brutale, à un moment donné, une confrontation, qui passe pas forcément par des exécutions sommaires et des purges et des massacres dans les rues et les patrons pendus aux lampadaires. Mais en tout cas, il y aura une accélération, ça ne se fera pas par des réformes. Donc, les tensions entre les réformistes et les révolutionnaires vont prendre une tournure de plus en plus dure, des débats de moins en moins fraternels. Mais au sein même du syndicalisme révolutionnaire, il va y avoir une crispation et notre tendance va se diviser en trois morceaux. Bon, ceux qui restent fidèles à la charte d'Amiens, bah, c'est bon, ce qu'on appelle actuellement les syndicalistes révolutionnaires, vont émerger deux autres tendances. Connu depuis, hein. Donc on a nous ce qu'on appelle la tendance anarcho-syndicaliste, pareil, rien de péjoratif, hein. C'est donc une tendance qui est issue du syndicalisme révolutionnaire, qui va être principalement influente en Espagne, mais pas seulement, il y a pas mal de pays où elle va être influente réellement, hein, en termes d'implantation de masse. C'est une tendance donc qui pense qu'il faut donner un contenu affinitaire au syndicat, hein, à l'activité du syndicat. Alors pourquoi ça se dit anarcho-syndicaliste? Parce que c'est principalement une idéologie anarchiste qui va servir de levier ou d'étendard pour ses camarades qui s'organisent sur cette base-là, qui pour nous est une tendance donc qui va plutôt quand même utiliser la confrontation avec l'URSS pour justifier un repli sur l'organisation. Je donne un exemple tout à l'heure tout simple, vous comprendrez, on a étudié la question, ça avait été peu étudié de façon sérieuse. Alors que ça a provoqué depuis des conflits à n'en plus finir. La troisième tendance, c'est le stalinisme. Hein. Donc on dit, tiens, bon, le léninisme, mais plutôt le stalinisme, entre autres à la française, à l'espagnole, c'est jamais le même en fonction des pays, puisqu'on a des réalités locales, nationales. Hein. Mais nous, on a amené une étude, donc on a réalisé une brochure, puisque donc il y avait eu 53 études sur l'histoire du Parti communiste français. Ça nous apparaît, c'est pas sérieux. Et entre autres par rapport à nos histoires familiales, quand on étudiait l'histoire de nos familles, on avait un peu de difficulté à comprendre qu'officiellement le PC français est issu du Congrès de Tours, puisqu'en fait, quand tu étudiais les militants qui se retrouvaient à la direction du Parti communiste à partir de 1923, tu retrouvais très peu de militants qui étaient issus de la SFIO. Donc on se disait, c'est bizarre quand même, parce qu'on a supposé avoir un PC français qui est issu de la SFIO. Bon, bien sûr, tout ce discours entretenu par tous les courants philosophiques, pourquoi? Parce que tu as une partie des courants philosophiques qui sont pour dire ça, parce que c'est les justificatifs de la gauche. Si on nous dit qu'il y a un congrès de Tours et qu'à un moment donné, il y a eu une scission, donc on dit bah, il suffit de refaire un congrès de Tours à l'inverse, donc on peut faire le Front Populaire, on peut faire l'Union de la Gauche, on peut faire la gauche plurielle, on peut faire les prochaines élections qu'il va y avoir un peu partout, puisqu'en fait, tous ces courants-là sont issus, soi-disant, d'une SFIO majoritaire où tout le monde était là et on refait la grande famille. Or, nous, ce qu'on voyait, c'est que c'était le PC avait vraiment une spécificité par rapport au courant dit de gauche ou avec vraiment une vraie culture ouvrière, une vraie culture syndicale. Et nous, ce qu'on trouvait à la tête du PC, c'était avant tout des militants syndicaux. Et quand on regardait, donc on a bossé ne serait-ce que l'étude du comité central du Parti communiste, quand tu prends l'étude du comité central du Parti communiste, on se retrouve avec 80% des militants qui viennent du syndicat missionnaire. Je ne parle pas de la base, je parle du comité central du Parti communiste jusqu'en 1945. Donc le Parti communiste français est issu du syndicat missionnaire, n'est absolument pas issu de la SFIO. C'est un mythe complet. Il s'est dit, il suffit d'ouvrir un bouquin, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est Lénine, puisqu'en 1923, ce qui va se passer, c'est que Lénine va accueillir la délégation de la CGTU en disant clairement, le Parti communiste français tel qu'il existe en France, c'est un parti réformiste, on n'en veut pas. C'est à vous, les syndicats missionnaires, de prendre le contrôle du Parti communiste. On vous propose ça. Vous rentrez au Parti communiste, vous prenez la tête du Parti communiste, et on fait une grande purge interne, et on vire tous les réformistes du Parti communiste. Et c'est ce qui s'est fait dès 1924, puisqu'au congrès de 1924 du Parti communiste, le parti reconnaît qu'il y a eu renouvellement de 80% des adhérents. Donc on a Sémar, le fameux dirigeant des cheminots, qui se retrouve à la tête du secrétaire général du Parti communiste français. Or Sémar, il a eu un rôle dans SFIO ridicule. Sémar, il était issu du comité central des CSR, donc de notre tendance. C'est un militant qui vient de notre tendance. Il n'avait aucun rôle dans la SFIO. Il était toute la direction du PC à partir de là, jusqu'à Maurice Torres, qui est présenté comme un militant issu de la SFIO. Maurice Torres est un lieutenant à Monat. Hein. C'était un militant connu, soit avant tout dans le Pas-de-Calais, pour être un militant mineur formé par le dirigeant des CSR du Pas-de-Calais, qui était juste son beau-père. Hein, voilà. Donc toute l'histoire a été refaite après pour nous faire croire que le PC était issu de la SFIO. En fait, non, c'est vraiment les CSR qui se divisent à l'époque en trois tendances, qui s'entre-déchirent, et donc notre courant rentre en crise durable à partir des années 20. Alors pourquoi je vous dis ça? Ben parce que depuis ces années-là, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment sorti de la crise. C'est-à-dire, depuis ces années-là, on a tendance quand même à favoriser la culture affinitaire plutôt qu'à favoriser la culture d'unité ouvrière basée sur cette CGT unitaire. Et donc, cette culture affinitaire a permis après de justifier toutes les scissions à n'en plus finir. Donc, je ne donnerai pas les sigles parce que là, on y est encore dans 3 semaines, aussi bien dans le mouvement syndical que dans le mouvement affinitaire. Et donc, on a une division qui perdure avec toute une théorisation de cette division qui est en opposition avec ce que voulaient faire les fondateurs de la CGT. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, pour préciser aussi les choses, on est vraiment nous sur les bases de la charte d'Amiens, c'est-à-dire qu'on estime que toutes les organisations ont leur fonction, ont leur utilité, c'est-à-dire qu'on est, comme le dit la charte d'Amiens, c'est-à-dire qu'un groupe affinitaire a sa fonction, pour faire le travail affinitaire. L'orientation syndicale de classe a sa fonction pour faire le travail syndical, il ne faut pas mélanger les deux. Hein, c'est-à-dire que nous, il n'y a aucun problème. J'en ai un moment syndical, c'est dans tous les syndicats on est. On n'aura jamais aucun problème avec aucun camarade de tel groupe affinitaire, il n'y a aucun souci. Par contre, il va commencer à parler de son groupe affinitaire dans le syndicat, on va lui sortir la charte d'Amiens, les statuts, on va dire bon, t'arrêtes maintenant, on respecte les statuts de l'organisation. Et voilà, et par contre, on est très demandeur à ce que les organisations affinitaires fassent leur boulot, c'est-à-dire vraiment un travail d'élaboration philosophique, de proposition, d'élaboration stratégique, de pensée, ce qui malheureusement est peu le cas. Et une discussion qu'on a avec les camarades des groupes affinitaires, c'est de dire mais faites votre boulot, quoi. Faites votre boulot. Le rôle de l'organisation affinitaire, c'est pas de se mettre au bord de la manif dans le 5 décembre pour nous sortir un tract qui ressemble à celui de la CGT, où il est marqué à la fin, vive le communiste libertaire, ou vive le marxiste révolutionnaire, vive le trotskisme, ou vive machin. Non, c'est pas ça leur rôle. Leur rôle, c'est de nous expliquer en quoi une organisation révolutionnaire doit agir, quelle doit être une stratégie révolutionnaire, c'est quoi le socialiste, c'est quoi le communiste, enfin, ce qu'il peut faire actuellement, quoi. Hein. Une organisation affinitaire n'a pas pour vocation à appeler une action de masse le samedi après-midi. Ça, c'est une organisation de masse. Pourquoi on dit ça pour ça? Parce que, par exemple, dans mon syndicat, j'ai toutes les tendances affinitaires présentes, et c'est le cas un peu partout, hein, tant mieux. Mais pour l'action syndicale, les copains sont peu actifs, souvent. Et par contre, ils vont être super actifs pour appeler à des actions avec leur organisation affinitaire, ce qui n'est pas la vocation de l'organisation affinitaire. Hein. Ouais, au CSR, on est très, très clair. On appelle une action de masse quand la confédération, quand notre syndicat n'appelle pas. Qu'on n'arrive pas à obtenir par le débat dans l'organisation syndicale l'action qu'on propose, en effet, les CSR s'expriment. Hein. Je te donne un exemple, c'est tous les camarades qui nous sortent des pétitions, des trucs, des machins, comme qu'on fait une grève générale le 5, mais dans leur syndicat, ils ne posent pas la question, on leur dit non, c'est pas le rôle, c'est pas que dans ton organisation affinitaire, tu appelles la grève générale le 5 mars, c'est que dans l'assemblée générale de ton syndicat, tu proposes le débat et t'imposes le débat sur, parce que le rôle de l'assemblée générale du syndicat, t'imposes le débat sur la stratégie, sur les mêmes choses pour un congrès de syndicat, sur poser la question de la rupture révolutionnaire, de la perspective de la CGT. et aux autres des organisations syndicales. Oui, donc pour ma part, c'est Antoine, donc je viens de Mulhouse, et pour ma part, je bosse chez McDo et livreur Deliveroo. Et je suis donc dans un syndicat hôtellerie, tourisme, restauration départementale chez nous. Ouais, donc là, je vais aborder un peu le rôle de la tendance actuellement. Parce qu'on est dans une période où elle est plus que jamais nécessaire. Hein. Le premier point auquel on fait face au sein du syndicalisme de classe, c'est la division. Face à la division, notre perspective, c'est la réunification. J'ai pas mal parlé en termes antinomiques. Quand je dis réunification syndicale, c'est bien la réunification syndicale de classe. C'est-à-dire, on ne parle pas de réunification avec la CFDT, CFTC et autres trucs un peu bizarres, là. Mais réunification syndicale de classe, c'est-à-dire autour des organisations que sont la CGT, les CNT, la FSU, Solidaire et même certaines tendances de FO, par exemple. Dans notre conception des choses, les divergences qu'il peut y avoir, hein, des petites divergences, elles se règlent lors des débats internes. Et en respectant toujours derrière l'unité, c'est-à-dire on débat démocratiquement, on se dit les choses, ensuite on prend des décisions et on les applique ensemble. Alors le truc, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, on est dans une période de défaite, du coup la division, on la justifie par quoi ? Par des éléments idéologiques. Ça va être l'autogestion et le consensus chez Solidaire, qui vont être des mots magiques. Hein. À la CNT, ou plutôt au CNT, ça va être une espèce d'identité anarchiste, ce qui n'est pas censé être le cas dans une organisation syndicale. L'organisation syndicale, elle est de masse. Elle n'est pas censée cliver. Chez la FSU, ça va être une défense corporative des services publics. Hein. Service public qui devient un mot magique. Hein. On ne parle plus de révolution, on parle de service public. Après, quand elle est définie, hein, j'ai envie de dire un travailleur de la construction, les bâtiments, les logements et tout ça, c'est quelque chose d'hyper utile. Pourquoi on ne le met pas dans les services publics ? Il y a des questions là qu'il faut se poser aussi, quoi. Chez FO, y compris chez les tendances de classe, ça va être un anticommuniste caricatural. Et à la CGT, bon, ça va être un discours vaguement SOSDEM humaniste qu'on va utiliser à chaque fois pour justifier le fait qu'on est différent de l'autre. Alors qu'au final, la perspective dans ces organisations en tant que militant de classe, elle est la même. On essaie juste de se rassurer par des divergences, quoi. Donc voilà, à notre sens, déjà, il y a nécessité d'une unification de ce syndicalisme de classe. Face à une division qui n'a pas d'autre rôle que de se rassurer idéologiquement ou bien parfois de permettre de garder quelques petits postes de permanents, quoi. Ensuite, on a un deuxième problème, c'est le repli sur les entreprises auquel on oppose la bataille pour la syndicalisation au niveau de l'industrie. Donc c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est la construction syndicale locaux de branches. Donc lui, hein, je crois que tu l'as pas dit, hein, ils ont monté un syndicat local de la construction du bois de l'ameublement sur leur département. Nous, on a monté un syndicat départemental hôtellerie, tourisme, restauration, par exemple. Et il y a certaines branches à la CGT où ça existe déjà depuis un bail, où ça n'a jamais été remis en cause. Hein, parce qu'il faut savoir qu'à la CGT, historiquement, à partir des années 20, on était passé au modèle du syndicat local d'industrie. Sauf que 68 venant... on obtient la section syndicale d'entreprise. Les dirigeants CGT, qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu de dire on va utiliser la section syndicale d'entreprise pour renforcer le syndicat d'industrie, hop, repli sur la boîte, on monte des syndicats d'entreprise dans la même période où les patrons se remettent à filialiser, à sous-traiter à tout va et cassent les collectifs de travail. Donc en fait, au moment où les patrons repartaient à l'offensive, on est allé dans le total inverse, quoi. On est parti à la défaite. Donc... ce repli sur l'entreprise, on le constate aussi aujourd'hui, c'est une course à la représentativité dans les entreprises, hein, y compris à la CGT, on va dire. Voilà, on mène la bataille pour la représentativité, on veut redevenir première organisation syndicale devant la CFDT. Super, donc on va peut-être, on peut dire, allez, le but, c'est absolument d'obtenir des suffrages, des voix. Sauf qu'aujourd'hui, dans une période de défaite, avec en plus la centralisation des CEDP autour du CSE, hein, où on va avoir des élus professionnels de tout, plus avec une certaine culture de la défaite intégrée, y compris par des salariés, hein, y a certaines boîtes où si on veut gagner les élections, ça va être quoi ? Ça va être proposer l'échec cadeau plutôt que construire une dynamique revendicative. Il y a certaines boîtes, c'est une réalité, hein, on va discuter avec les collègues, ça a l'air si ça. Parfois ça va prendre et ça va être bien, on va obtenir des beaux résultats en défendant une dynamique CGT. Mais il y a d'autres boîtes où si on veut obtenir les suffrages, on va devoir faire du chèque cadeau et compagnie à tout va. Donc là, c'est cool, hein, on va obtenir la représentativité. Par contre, le jour où il faut partir à la grève, la représentativité n'a pas servi à grand-chose. On peut redevenir premier OS, avoir 90% des suffrages en France. Si on n'est pas capable d'aller au carton contre les patrons, on peut leur balancer des chèques cadeaux. Hein, mais... Voilà, donc ça c'est un point aussi où on estime que ce repli sur l'entreprise, il est préjudiciable pour la construction d'un syndicaliste de classe et d'un syndicaliste révolutionnaire. La dynamique de branche, au contraire, c'est défendre les acquis qu'on a dans nos conventions collectives et chercher à les étendre. Pourquoi? Parce que dans une dynamique de syndicat d'entreprise, on va obtenir des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail pour les salariés embauchés des grosses boîtes. Par contre, le salarié de la sous-traitance, l'intérimaire, l'auto-entrepreneur imposé, parce que ça se fait de plus en plus, ça aussi, hein, les statuts d'auto-entrepreneur, mais où en fait, t'as le choix de rien. C'est juste que l'employeur te dit bah, ok, tu veux bosser pour moi, il n'y a pas de souci, tu montes ta boîte et je te fais un contrat de sous-traitance. Il y a quoi encore? Les CDD aussi, toutes ces choses-là où le gars qui est en CDD, il va avoir les avantages le temps de son contrat, mais ensuite, quand il va partir dans une autre boîte de la branche, il n'aura plus rien. Donc, en défendant les conventions collectives et leur amélioration, on a une dimension vraiment socialisante. C'est là qu'on construit les solidarités aussi. Ces victoires-là, au niveau de la convention collective, quand on en obtient, elles bénéficient à tout le monde dans la branche. Et la construction de syndicats locaux d'industrie, ça ne limite pas le militantisme syndical justement aux salariés embauchés des grosses boîtes. Parce qu'aujourd'hui, la CGT, c'est plus la Confédération Générale du Travail. Confédération Générale du Travail, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs. Aujourd'hui, c'est la Confédération Générale de l'aristocratie ouvrière, si on veut dire les choses comme ça. C'est-à-dire que si tu veux militer à la CGT, avoir ton syndicat aujourd'hui, il faut soit que tu sois embauché d'une grosse boîte, PSA, Toyota, Rhône Poulenc ou je sais pas quoi, ou que tu bosses dans les services publics, dans la fonction publique. Et le salarié d'une TPE ou compagnie, il fait quoi? Il ne peut pas militer, il est isolé dans une union locale, on ne lui propose rien. Et là-dessus, on le constate d'autant plus. Hein, aujourd'hui, la CGT qui commence à lancer la campagne pour les élections TPE, ce qui m'a pas mal choqué en lisant le document proposé par la Confédération, c'est qu'on dit les salariés des TPE ont-elles besoin? Il faut qu'on aille les voir et tout. En fait, c'est un discours exclusif, c'est-à-dire qu'on a acté en quelque sorte que le travailleur de la TPE, il n'est pas syndiqué, il ne peut pas être syndicaliste, parce qu'il n'y a pas de droit syndical dans les TPE, parce qu'il n'y a pas de délégué du personnel dans les TPE, parce qu'il n'y a pas de CE dans les TPE, comme si en fait le syndicalisme était aujourd'hui totalement tourné vers ces institutions. Donc, les syndicats locaux d'industrie, justement, ils permettent à des camarades isolés dans leur boîte, parce que même dans des grosses boîtes, parfois, on peut avoir du mal à construire du syndicat ICGT, de s'organiser. Il va permettre aux travailleurs des TPE ou aux travailleurs dits précaires de s'organiser aussi. Et ça va permettre aussi de se remonter ensemble le moral, de se former, de soutenir, parce que quand on va voir que chez le voisin, on obtient des bons trucs, on va se dire, ah, c'est cool, c'est possible encore, on peut encore avancer, plutôt que de déprimer dans sa boîte en disant, ouais, j'arrive à rien, quoi. Ensuite, on a aussi une autre problématique, c'est la dérive corporatiste, hein, ou une tendance où chacun va rester sur son petit pré carré. Donc, je sais peut-être qu'un certain nombre d'entre vous militent dans des instances interpro, à la CGT, Solidaire ou autre, mais le constat qu'on a pu faire, nous, dans les commissions exécutives, que ce soit les UL ou des unions départementales, hein, c'est les réunions de CE, ça devient un peu un mur des lamentations. C'est-à-dire, on va avoir 10 interventions, chacun va pleurer sur la situation catastrophique dans sa boîte, dans sa branche, et redynamiser les unions locales, c'est reconstruire de l'interprofessionnel et se donner par exemple les capacités de cibler une branche stratégique. Par exemple, on va dire bah, demain, tiens, on se dit, on a envie de resyndiquer dans la jeunesse et on a envie de prendre par surprise les patrons d'un secteur où c'est pas du tout organisé, bah, tiens, demain, on va cibler la restauration rapide. On va tous y mettre les bras. Quitte à délaisser temporairement la boîte où on est, où de toute façon on constate que ça marche pas, on cible, on y met tous les bras et on surprend l'ennemi pour obtenir des avancées directes. Là, ça fait une première victoire, on obtient cette victoire dans la branche, on prouve aux camarades des autres branches que c'est possible. On peut faire un ciblage suivant, si ça. C'est ça, lancer une dynamique interpro. C'est sortir du chacun pour soi dans son coin avec peu de bras pour au final mettre beaucoup de bras sur une cible et la gagner. Ça peut être ce qui peut se faire dans une union locale, quoi. On a aussi un autre problème au sein du mouvement ouvrier plus large, hein, aussi au niveau des mouvements affinitaires, c'est une tendance à la sectorisation. C'est-à-dire, une même personne, elle va se retrouver dans une organisation politique, dans son organisation syndicale, à côté, dans un collectif féministe, à côté encore, dans un syndicat étudiant, encore à côté, dans une association communautaire, si ça, ça. Alors que nous, on ne dit pas que ces différents combats sont antinomiques avec le combat syndical. On dit qu'ils doivent y être intégrés. Historiquement, la CGT, elle s'est dotée, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, hein, elle s'est dotée d'une MOI, la main-d'œuvre immigrée, c'est-à-dire qu'elle avait des organisations internes qui s'occupaient des problématiques spécifiques à telle ou telle communauté ou aux migrants de manière générale. Elle avait des organisations internes, et puis elle en a d'ailleurs encore aujourd'hui, mais plus très vivaces, les collectifs femmes mixité qui vont s'occuper des questions patriarcales, oppression patriarcale et tout ça. Elles avaient des jeunesses syndicalistes qui s'occupaient de l'organisation de la jeunesse, de construire une sociabilité au sein de la jeunesse et tout ça, qui étaient intégrées au mouvement syndical. Ce n'étaient pas des syndicats spécifiques, mais c'était des commissions internes qui permettent à ces personnes de se. Comment dire? Qui existe sous le nom de collectif en Voilà, réalité, c'est ça. Enfin, qui existe. mais sauf que sans moyens. Qui est. Voilà. Et en fait, ces personnes-là. Voilà, ainsi on peut leur permettre d'exprimer leurs spécificités et de les faire prendre en compte par l'ensemble du syndicat. Parce que quand c'est extérieur au syndicat, le syndicat il va dire bon bah ouais c'est cool, vous avez fait votre truc, et puis on satisfait un peu d'avoir créé des organisations pour les créer, mais qui vont pas avoir d'impact sur le réel. Parce que je suis désolé, ces organisations-là, généralement, elles n'ont pas d'impact sur la classe. Les camarades qu'on va retrouver dans des organisations affinitaires, mais. Et qui ne construisent. Enfin, comment dire ça sans. Sans vexer personne. Non, non, c'était pas une question de vexation, mais sans me faire mal comprendre. C'est-à-dire qu'on a une sale tendance dans les organisations de gauche, ou anarchistes, ou ce que vous voulez, hein, je m'en fiche, je mets tout dans le même bateau, à construire ces collectifs-là, mais où en fait, on veut garder une certaine pureté idéologique, on veut garder la pureté, et du coup, on s'intègre pas à la classe. Et on se retrouve avec des assemblées d'étudiants blancs, mecs d'ailleurs souvent, qui ont bac plus 50 et qui vont refaire le monde. Mais à côté, le prolo, il va dire, ouais, bon, c'est discours théorique. Hein. J'ai la discussion, la secrétaire générale de mon syndicat, qui vient un quartier populaire de Mulhouse, d'origine algérienne, tout ça, elle avait écouté justement un camarade qui commençait à parler de féminisme intersectionnel, tout ça. Elle a dit, mais je ne comprends rien à ce qu'il dit. Sauf que dans le concret, au syndicat, quand si un mec qui commence à être relou ou si ça, ben, elle le défonce, quoi. Mais c'est concret, c'est pas du discours abstrait, quoi. Donc voilà, on est vraiment sur cette ligne de commission interne. Ensuite, je me suis perdu. Ouais, je te laisse faire les deux derniers points parce que. Avait l'embourgeoisement et la propagande des formes. Après, l'utilité latence pour finir, c'est vraiment bon, faire de l'éducation en interne, quoi. C'est-à-dire que nous, nos militants dans les syndicats, sont vraiment, quand il y a des menaces, on va pas se mentir, hein, dans différents types d'organisations syndicales, il peut y avoir de la répression interne, hein, qui c'est aussi une réalité, on va pas se mentir, hein, une bureaucratisation qui est un peu partout, malheureusement, une réalité. Voilà. Mais bon, dès qu'on peut en effet l'ouvrir, on l'ouvre et on défend nos positions. Ce qui... Ah, pardon. On défend nos positions révolutionnaires le plus massivement possible dans l'organisation, quoi. C'est-à-dire pas à l'extérieur, mais dans l'organisation, c'est-à-dire dans les congrès, dans les interventions. Nous, par exemple, je suis à la commission exécutive de l'Union départementale de Haute-Garonne, où là, bon, on est élu comme militant, donc comme représentant entre guillemets de la tendance, on est plusieurs. Bon, bah, systématiquement, à chaque CEDUD, on intervient et c'est pas nuancé, quoi. Là, c'est l'occasion, c'est le moment où les militants révolutionnaires doivent s'exprimer et défendre leur position révolutionnaire, même si on est minoritaire, bien entendu. Mais heureusement, parce que ça n'aurait pas de sens, on n'est pas majoritaire chez les adhérents. Par contre, on ne se surprend pas, on va jusqu'au bout. Là, à ce moment-là, c'est l'occasion, c'est le moment et c'est le rôle d'une commission exécutive de confronter les positions et d'en discuter fraternellement, bien sûr, on ne s'insulte pas. Mais c'est le rôle de la tendance de coordonner ce travail en interne et de l'élaborer. Alors, sauf à se prendre vraiment pour le nouveau Messie, aucun militant n'est capable à lui tout seul de collectiviser l'histoire du mouvement ouvrier, de penser tout seul et d'intervenir tout seul. Donc ça passe par un outil que nous on estimait être la tendance pour le faire directement au cœur même du mouvement ouvrier et de son organisation de masse, quoi. Et dernier point, donc, qui est aussi de plus en plus important pour notre tendance, parce que là, on constate quand même que, contrairement à l'ancienne génération, parce que le but, c'est quand même renouveler les troupes aussi, c'est moi, personnellement, je fais partie de l'ancienne génération qui a connu un peu de sociabilité ouvrière, la fin de la sociabilité ouvrière telle qu'on l'a connue, entre autres en France, c'est pratiquement fini. Quand j'ai fini, il n'y a pratiquement plus rien. Et donc ça, on estime, par rapport justement, en confrontation directe avec pas mal de courants affinitaires, nous explique que la conscientisation, sans même reprendre Lénine, hein, mais que la conscientisation viendra de l'extérieur par un discours philosophique, ce qui est contesté par plus en plus d'historiens maintenant un peu sérieux quand même, qui ont travaillé justement sur l'émergence du mouvement ouvrier. Nous on estime que c'est la sociabilité ouvrière qui crée la culture anticapitaliste et qui va créer justement une culture socialiste capable d'impulser quelque chose et de le faire vivre au quotidien. C'est pour ça qu'on essaie de relancer systématiquement tout ce qui est sociabilité en interne à la Bourse du Travail. C'est-à-dire, au syndicat de la construction, c'est le travail d'alphabétisation, de soutien scolaire, des fêtes, un maximum de fêtes. On fait des sorties au moins une fois par an, une fête au bord de l'Ariège avec les familles. Là, on a réimpulsé au Lyon départemental. Lyon départemental nous a suivis sur remonter un club FSGT. Sport ouvrier, donc classique, historique, avec une ligne très claire de sociabilité qui attire les jeunes. D'ailleurs, on pensait, mais c'est à ce point-là. Alors, Toulouse est supposée être une ville très jeune où il se passe plein de choses. En fait, on constate que les jeunes sont à recherche de lieux de sociabilité réelle, de fraternisation réelle, quoi. Ça marche pour ça, quoi, principalement. Hein. C'est pas pour faire l'activité sportive, c'est le truc au quotidien, mais c'est ce qu'ils recherchent, c'est réellement c'est l'ambiance chaleureuse, la fraternité. Et sans ça, il n'y aura pas de socialisme. Hein. Sans sociabilité, il n'y aura pas de perspective socialiste réelle, quoi. Sans fraternité au quotidien, il n'y aura pas ça. Or, ce travail-là, on l'a complètement abandonné, on l'a sous-traité au MJC. C'est tout le problème, c'est que je parlais du PC, je viens là-dessus. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit à mes camarades du Parti communiste dans ma commune, le jour où on a gagné la municipalité, c'est la pire défaite qu'on a obtenue. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait monté pendant des décennies, toutes ces associations ouvrières liées à la Bourse du Travail qu'on avait fait vivre pendant des décennies, qu'on avait construit, qui était vraiment notre contre-société, on l'a municipalisé. Et aux élections d'après, c'est pas compliqué, la municipalité de droite n'avait plus qu'à changer les directeurs et on a perdu en quelques jours, en quelques semaines, tout ce qu'on avait mis des décennies à construire. Pourquoi ? Parce qu'on a accepté l'étatisation ou la municipalisation en échange, bien sûr, de plus de moyens, parce qu'on avait plus d'argent, donc on faisait plus d'activités, c'était plus sympa, machin. À part que les gens dans ces lieux-là, ce qu'ils recherchaient avant tout, c'était pas la qualité du loisir, en termes de qualité de luxe, c'est super, on a plus d'argent, on a plus de tables de ping-pong. Non, ce qu'ils recherchaient, c'était avant tout la fraternité, les moments de... Donc ça, c'est vraiment la base. Nous, on reprend ça, c'est vraiment le syndicat. Comme tous les camarades qui nous disent « Oui, mais moi, je ne peux pas militer parce que j'ai plein de problèmes dans mon couple, dans ma famille, ou patati ou patata. » Et ouais, mais c'est le rôle de l'organisation syndicale. L'organisation syndicale, c'est issu de sociétés de secours mutuels. On voulait régler les problèmes quotidiens. Des difficultés matérielles, des difficultés d'entraide, des besoins divers et variés. On venait en parler là, quoi. Et les autres problèmes, familiaux et autres, on les réglait collectivement, quoi, à l'époque. On n'appelait pas l'assistante sociale du conseil départemental pour régler tes problèmes dans le quartier avec tes mômes, quoi. Tu réglais localement dans le quartier. Tu ne demandais pas d'être un assisté, je sais pas faire avec mes gamins, t'as des difficultés, t'allais voir les copains et ça se gérait collectivement. Il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a connu pour les plus vieux d'entre nous, quoi. Donc vraiment, se relancer là-dessus, c'est une demande, mais c'est une vraie bataille de fond, parce que sans ça, il n'y aura pas le terreau pour préparer des militants. Ils auront un discours artificiel, quoi. Excusez-nous, on était un peu long. Enfin, moi, j'étais un peu long. Merci beaucoup. On va en profiter pour passer une phase un peu plus de débat et d'échange avec les deux camarades. Donc, je ne sais pas si on prend un tour de parole ou si on fait ça de manière un peu plus informelle. Ça va dépendre aussi du nombre de vos interventions. Mais la parole est à vous. À toi. Plus particulièrement. Ouais, merci déjà aux camarades d'avoir fait le déplacement. En fait, à Lyon, enfin, moi je suis secrétaire de la CGT du Rhône et je suis à la CE du D du Rhône depuis très récemment. Et du coup, ça fait écho à un certain nombre de choses que vous avez évoquées, puisque cette bataille d'orientation, on l'a menée dans l'UDCGT, notamment au dernier congrès. Et donc la moitié, enfin peut-être même 80% de ce que tu as évoqué. Et maintenant, dans le document de l'orientation, l'IDCVT du Rhône, c'est-à-dire la promotion des associations ouvrières, hein, les COSA, l'avenir social, FSGT, etc. Le fait de, d'avoir pour objectif de rattacher les isolés à des syndicats locaux de branche. Alors sur le syndicat local d'industrie, évidemment, on se heurte à plus de résistance de la part notamment des partisans du syndicalisme d'entreprise. Et du coup, on n'en est pas encore au stade où on peut imposer aux syndicats d'entreprise existants de fusionner dans des syndicats locaux de branche. Mais la question est posée et du coup, pour le coup, on l'a débattu nous en syndicat, on l'a porté dans le congrès et ça a été adopté majoritairement dans le document d'orientation. Donc effectivement, moi je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire sur le fait que moi je suis frappé dans la manière dont le congrès s'est déroulé, à quel point il y a très peu de camarades syndicalistes qui mènent le combat dans leur syndicat sur ces questions politiques-là, et que quelque part, quand on les mène et qu'on les porte, il y a une telle crise dans le mouvement syndical aujourd'hui que ça apparaît comme l'idée nouvelle, etc. Et finalement, c'est pas si compliqué à faire avancer ce genre de choses par rapport à la vision que dans un certain nombre d'organisations affinitaires, il y a à l'extérieur de la CGT. Alors les situations sont différentes selon les localités, les fédérations, les UD, les UL. Mais je voulais revenir sur un truc que vous n'avez pas évoqué dans les critiques des organisations affinitaires. Ça va pas plaire, c'est la tendance à l'utilisation utilitaire du mouvement syndical. Et on va au syndicat uniquement pour avoir les moyens pour soit faire la propagande de sa secte politique ou pour créer le collectif bidule qui va servir sa secte politique. Et on ne voit pas le syndicat comme notre organisation. Et moi, je suis frappé par le nombre de militants et militantes qui sont organisés. Je suis moi-même par ailleurs dans une organisation politique, hein, mais c'est quand ils parlent de la CGT ou quand ils parlent de Solidaire ou n'importe quel autre syndicat, ils en parlent comme quelque chose d'extérieur, même s'ils ont leur carte, même parfois s'ils ont des responsabilités dans le syndicat, et du coup pas comme quelque chose qui est d'abord à défendre comme bien commun. Donc ça c'est le premier truc que je voulais soulever. Le deuxième aspect, mais je pense que c'est un peu sous-jacent à ce que vous disiez, c'est que moi j'ai remarqué un truc à la CGT, mais je pense que c'est pareil dans beaucoup de syndicats, c'est que le crédit qu'on a dans la discussion, elle dépend des pratiques qu'on a. Et en gros, il y a souvent quand même plein de gens dans l'opposition syndicale avec des guillemets, qui sont très forts pour donner des leçons dans les structures, mais qu'on ne voit pas beaucoup à construire les organisations et sur les UL. Et donc forcément, en interne, ils passent quand même rapidement pour des bouffons ou des bouffonnes. Parce que du coup, c'est voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, mais quand il s'agit de mettre la main au charbon, il n'y a plus personne pour faire le boulot. Donc ça, c'était une remarque que je voulais faire. Et sur l'aspect charte d'Amiens, c'est le dernier truc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Par exemple, c'était symptomatique dans le congrès de l'idée qui a eu lieu très récemment, ça a été évoqué par plein de camarades, sur l'aspect double besogne, mais par contre sur l'aspect indépendance syndicale, on est les seuls à l'avoir évoqué. C'est-à-dire que sur la dimension, il faut que le syndicat soit à la fois moyen de résistance quotidienne et moyen de construire le contrôle ouvrier. Ben là, il y avait des gens qui disaient transformation de la société, qui ne voyaient pas le lien effectivement avec les pratiques syndicales pour un certain nombre. Mais par contre, le fait de dire que rien n'est étranger au syndicalisme, comme vous l'avez dit, ça, c'était pas si évident pour tout le monde, parce qu'il y a quand même cette culture de gauche assez forte qui considère que quand même des domaines qui seraient réservés aux orgas politiques et qui seraient interdits aux organisations syndicales. C'est pas sous forme d'une question, mais c'est une remarque. Tu veux qu'on soit contre ou... Non, c'est qu'on est d'accord. Il y a d'autres questions. Ouais, du coup, je me demandais, là, deux questions. Hein. Et déjà, merci pour les interventions, c'était super chouette. Et les deux questions, du coup, comment vous recrutez au sein de la tendance sur les syndicats locaux d'industrie ou de branche, sur quoi, enfin, c'est quoi les cibles que vous avez puisque du coup les conventions collectives sont nationales, qu'on cible et des actions spécifiques. Je trouve ça pour les ça pas réponds la première, je prends la deuxième. On va se répartir alors. Sur le recrutement, on le fait principalement dans l'orientation syndicale. C'est-à-dire, ce que vous êtes camarade, sur l'activité quotidienne, c'est recommandé dans l'interpro à 500%. Ça se fait avant tout là, donc on connaît à peu près les militants, si tu veux, ou les camarades qui sont déjà sur une pratique, ne serait-ce qu'interprofessionnelle, où on est allé en. On vient soutenir de fait, on est pas mal présent dans les UL, donc c'est vrai qu'on connaît quand même beaucoup de camarades. Et après, donc de plus en plus, nous ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir renouveler les troupes et aller directement au contact des jeunes prolos principalement, quoi, parce qu'on a quand même un réel problème, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une partie de la jeunesse qui actuellement est complètement laissée par les secteurs militants divers et variés. Hein. C'est pas critique, c'est aussi bien les organisations syndicales, les organisations affinitaires, même mouvements associatifs. Hein. Contrairement à ce qui est dit, mouvements associatifs de quartier, c'est plus du tout ce que c'était. Hein. On parle de marche des beurs et tout ça, on n'est plus du tout à cette époque-là. Hein. C'est pas vrai. Hein. Donc là, on a aussi une intervention directe. Donc nous, par exemple, c'est mon syndicat, c'est pas le CSR en tant que tel, hein, mais bon, les jeunes du syndicat sont soit au CSR, soit proches, pour simplifier les choses. Bon, c'est systématiquement diffusion de tracts. On a du matériel jeunesse syndicaliste de la CGT, de la construction, et donc c'est diffusion de tracts régulièrement devant les CFA, lycée du bâtiment, IUT pour génie civil, génie climatique. Et après, aussi toutes les le but, c'est pas le but. Hein. Le but premier, vraiment, de tout ce qui est sociabilité, c'est vraiment la sociabilité. Quoi. Le but, c'est pas de recruter. Quoi. On veut pas recruter. Quoi. C'est pas l'objectif premier. On recrute des camarades qu'on sent prêts à aller au charbon. Et inversement, des camarades qui sont plus prêts, on est premier à dire bon, là, faut se reposer. Quoi. T'es blessé, t'as eu un bon. Chacun entre nous pour un problème à un moment donné. On se met de côté, comme c'est une guerre, hein, c'est une bataille, donc t'es blessé, tu te mets en retrait, et les copains vont à la bataille ou les copines vont à la bataille à ta place, on se répartit le boulot. Mais le recrutement, il faut faire beaucoup plus maintenant en direction de la jeunesse, il faut renouveler les troupes, et puis il faut aller vraiment avec un... plus les jeunes sont demandeurs. Hein, donc c'est vrai que les CSR, on était beaucoup propagande interne à l'organisation syndicale, on a fait du boulot à l'extérieur aussi, on fait des collages, ainsi de suite, mais là, il va falloir qu'on aille vraiment en direction de la jeunesse... C'est clair, hein. On n'a pas le choix, de toute façon, c'est obligatoire. Et sur le deuxième point, oui, tu parlais du ciblage des syndicats locaux par rapport aux conventions collectives qui sont souvent nationales. Cible l'action. Pardon ? Je crois que c'était le ciblage de l'action, non ? Oui, en gros, quand on se regroupe en tant que syndicat de branche au niveau local, qu'est-ce qu'on cible ? D'accord. Mais déjà, d'un point de vue organisationnel, je vais reprendre une phrase qui devient célèbre à la CGT, qu'on utilise depuis, je crois, une quinzaine d'années, mais sans l'appliquer, pas un syndiqué sans syndicat. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisation politique de base à la CGT, c'est le syndicat. Depuis des années, on dit dans nos résolutions de congrès, il faut que chaque syndiqué, chaque adhérent, puisse avoir un syndicat, c'est-à-dire un lieu de débat, un lieu où il va participer au débat démocratique. La Confédération Générale du Travail, en fait, c'est le regroupement de tous les syndicats de France et de Navarre. Déjà, c'est remplir la possibilité pour chacun d'avoir son organisation démocratique où il peut débattre. Sur le ciblage, comment dire ? Sur ce point-là, en fait, ça peut dépendre de réalité locale, de réalité nationale. Par exemple, on va constater aujourd'hui qu'on veut aller vers les jeunes. On va réfléchir dans quelle branche d'activité il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. Dans quelle branche d'activité il y a beaucoup de jeunes qui travaillent et où il n'y a pas beaucoup de syndiqués. Ça, c'est un exemple de réflexion qui peut venir, et puis c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire un ciblage sur la restauration rapide. Autre exemple, tu vas te dire, les patrons ils viennent de remettre en cause les conventions collectives locales de la métallurgie, ils veulent une convention collective nationale de la métallurgie. Or, on n'est pas beaucoup organisé dans les TPE de la métallurgie. On va faire un déploiement sur les TPE de la métallurgie pour se battre sur la convention collective. Ça peut être des exemples comme ça, quoi. Après, comme dit, la construction de syndicats locaux, normalement, dans le meilleur des mondes, quelle que soit la branche d'activité, tu as un syndicat local. Ensuite, sur le lien, quand une campagne est nationale, c'est la fédération qui va coordonner la campagne. C'est-à-dire que le syndicat local, il va l'appliquer localement en connaissant la réalité de la branche sur sa localité. Mais c'est vraiment la fédération qui va impulser, qui va coordonner, qui va dire ben, regardez, ici on a réussi à avancer, ici on a utilisé telle méthode, ça marche, ici on a essayé ça, ça marche pas, qui va mutualiser les savoirs. Parce que chaque syndicat, en fait, il est adhérent à la fois à sa fédération d'industrie, de branche au niveau national, et il est aussi adhérent à son union locale, à son union départementale, avec l'ensemble des autres syndicats de sa localité, de son département, quoi. Je suis désolé si j'ai pas été très clair. Hein, c'est... Est-ce que tu peux préciser la question? Parce que moi, je n'ai pas... Ta question, est-ce que tu peux la préciser? Bah, sur des trucs... Ouais, du coup, justement, comme on a eu un développement du syndicalisme d'entreprise, du coup, beaucoup des victoires et des négociations se font au niveau d'entreprise, au niveau local. Il y a moins de... Enfin, c'est moins de... Les UL ou les UD ne sont pas impliqués dans les négociations des conventions collectives sur le niveau interpro. Et donc, du coup, c'était sur cette perspective aussi de quelle victoire on va chercher, sur comment utiliser les collectifs locaux interpro pour chercher des victoires spécifiques et du coup, comment on cible. Donc, c'était ça. Ça précise ? Oui. Il y a peut-être des éléments de réponse à réfléchir. Par exemple, il y a eu récemment un colloque à Givors, organisé par les verriers de Givors, sur la question des maladies professionnelles, des risques industriels, etc. Ce colloque a débouché sur la volonté de créer une action, un collectif, se centrer sur le couloir de la chimie et sur toutes ces questions de risques industriels. Donc on voit que là, ce n'est plus une logique d'entreprise, c'est une logique... justement qui me semble ressembler plus à ce genre de choses. Donc on voit qu'on peut en avoir des exemples déjà qui se font. Juste pour répondre à la camarade sur... C'est-à-dire qu'on on a quand même des conquêtes en France, c'est que la convention collective, on parle de la sécu, les congés payés, machin, mais la convention collective, ça naquit énorme. Enfin, une conquête énorme. C'est-à-dire vraiment quand on pense... Quand on voit à la fois les mi-temps actuellement en responsabilité de nos fédérations, quand tu discutes avec eux de la convention collective, c'est-à-dire qu'on l'a, ils sont là pour la défendre, et tu analyses avec ceux qui ont pensé à la convention collective il y a plus de 100 ans quand ils ont créé le syndicat des industries, c'est entre les deux, il y a un fossé, quoi. C'est-à-dire que là, on a un outil, moi je suis dans la construction, mais c'est le cas partout, non, parce que la sous-traitance, elle est partout, quoi. L'externalisation, elle est partout. C'est-à-dire que tu as vraiment un outil qui a été fait pour unifier politiquement au quotidien les travailleurs d'une même branche professionnelle. C'est-à-dire que le gars qui, ou la fille qui est employée par un patron, elle est toute seule ou il est tout seul, il bénéficie de la convention collective. C'est-à-dire que c'est un acquis, enfin, c'est une protection, mais c'est aussi un outil de d'unification des luttes. Et quand on voit tous nos camarades révolutionnaires du samedi ou du dimanche qui centrent sur les NAO, tous les ans, les négociations annuelles obligatoires sur les salaires dans ta boîte, alors qu'on a une bataille amenée tous les ans sur la négociation annuelle de la branche professionnelle, et puis, en quoi ils sont révolutionnaires? Ben, je veux pas être méchant, au bout d'un moment, il faut dire les copains, il faut relire Karl Marx depuis le début, quoi. Là, vous avez rien compris, quoi. C'est vraiment l'axe politique qu'on doit avoir, c'est la négociation de branche nationale qui doit unifier tous les travailleurs. Il y a encore 10-15 ans, les fédérations, tous les ans, appelaient une grève ou une journée d'action de la branche professionnelle tous le même jour. Maintenant, on va tous pleurnicher. Ben, je peux pas, j'ai mes NAO, tu comprends. Je prépare mes NAO. Donc, ils sont à branler tes NAO, quoi. En sachant que les sous-traitants, ça s'appliquera pas à eux, voire même les intérimaires. Pourtant, c'est une obligation. Pareil, l'intérim, on ne va pas défendre l'intérim, mais au moins, en France, sur l'intérim, un travailleur qui va bosser dans la boîte de zone d'ordre, même les acquis de la boîte, s'il y a le 13e mois, l'intérimaire doit avoir son 13e mois. Bon, oui, mais si délégué CGT ou autre, hein, c'est pas que la CGT, fait en sorte que vérifier que le mec a bien eu, le fille a bien eu leur 13e mois, quoi. Ce qui n'est pas le cas, ils font pas le boulot. Donc on est vraiment, c'est nous-mêmes qui ne faisons pas le taf, quoi. Moi, j'ai jamais, ça fait 10 ans que je suis intérimaire, j'ai pas vu un seul militant CGT ou autre, hein, qui est venu me voir en disant. C'est hallucinant. Merci à tous les deux. Laurent, tu parlais tout à l'heure des perspectives internationalistes dans l'histoire. Aujourd'hui, est-ce que. Vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la position du courant sur les questions internationalistes, quelles sont peut-être les actions qui sont, dans quels espaces, comment ça se structure, et quels sont les liens un peu concrets qu'il peut y avoir avec des syndicats de base dans les pays qui sont issus du même courant. D'autres questions en lien ou... En lien, non, pas vraiment. Vas-y, toi. Je te laisse intervenir là-dessus. Là, j'ai pas. Je suis maintenant un vieux combattant. Ça fait plus de 20 ans que je suis du CNKS international dans des orientations qui sont supposées très très internationalistes. J'ai fait 10 ans à la CNT, 7 ans à la CNT, 10 ans à Sud et ça reste à la CGT. Le syndicat international actuellement n'existe pas. Quoi. Et nous, le CSR, ça fait 15 ans qu'on essaie de faire du boulot concret avec des orientations dans le monde entier. C'est pas que tu rames, c'est du harcèlement politique. C'est-à-dire qu'on a une culture nationaliste dans le mouvement ouvrier partout dans le monde, c'est pas propre à la France, qui est les fascistes sont beaucoup plus internationalistes que nous. Quand tu vois qu'ils ils font des campagnes sur la Méditerranée, ils arrivent à faire un bateau, et machin, et bien, mais nous, on sera capable de faire ça, quoi. Le militant révolutionnaire, actuellement, il défend son petit CDI dans sa boîte. Non, je rigole pas, c'est la réalité, quoi. Sans être méchant, il faut vraiment qu'on se réveille, il y a un vrai problème. Je ne vais pas faire l'histoire, on a retrouvé dans les archives Monat, c'est une carte postale, une petite truc que reçoit Monat de Tom Mann, donc qui est le grand dirigeant révolutionnaire de Grande-Bretagne qui finira dirigeant du Parti communiste jusqu'à la fin de sa vie, donc vraiment le dirigeant syndical, qui remercie Monat de lui avoir envoyé un petit jeune en formation en Grande-Bretagne. Le petit jeune en formation, c'est Foster, le futur dirigeant du Parti communiste américain, qui va faire les grandes grèves dans la métallurgie, des abattoirs et tout ça. Bon, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils s'écrivaient avec des cartes postales, ils s'échangeaient du papier, des articles de fond et machin, ils analysaient la stratégie, quoi, avec les moyens de l'époque. Maintenant, on a Internet, et on fait un clic, machin, on n'est pas foutu de se coordonner dans une multinationale. C'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on veut pas faire. Quand on fait pas, c'est qu'on veut pas. On n'y croit pas. La révolution, on n'y croit pas. Ça, on le ferait. C'est une obligation. Là, les camarades du Rojava, on essaye... Voilà. Quelle solidarité réelle il y a, là? Ils se font massacrer, ils sont combattus pour nous. Quelle est la solidarité concrète? On a fait des réunions sur Toulouse, la Tropicos, quoi. Alors, on va te faire la révolution espagnole, ça, t'as 36 bouquins, hein, ça, c'est sûr. Hein. Mais alors, là, il y a un exemple concret, personne pour ce qu'un. Enfin, j'exagère, mais enfin, là, faut vraiment qu'on... Donc, le boulot, non, il n'y a rien, quoi. Donc, nous, on a commencé truc tout con, mais après, il y a le taf, on a essayé. On est en construction, Toulouse, c'est une colonie, hein, donc il y a tout le monde partout. On a 110 000 Portugais, on a, je ne sais pas quoi, en espagnol. Bon. On fait du boulot, on a essayé de bosser avec les camarades de la CGT portugaise, du bâtiment, sur les travailleurs détachés, sur le matos. Donc, eux, ils filaient notre tract en espagnol, en portugais, qui diffusait aux aéroports, aux camarades qui prenaient l'avion pour aller bosser. Et nous, on a accueilli les copains, on fait diffusion de tract aussi sur les chantiers en portugais, ainsi de suite. Quoi. Mais tu rames, mais c'est pas possible. Quoi. Alors le mec, par contre, il est sur Facebook, il se met des photos, là, t'as 36 trucs. Hein. Sa vie personnelle, tu la connais par cœur. Quoi, hein. Ça, il a du temps. Mais par contre, pour faire le taf, c'est impossible. Quoi. Donc là, il faut trouver des orientations un peu sérieuses. Donc là, on bosse avec des camarades espagnols qui ne sont pas du tout issus de la même sensibilité que nous, mais qui veulent vraiment bosser, qui font du travail concret. Donc là, on est sur le port sec de Barcelone, parce qu'on a un port sec qui fiche les trucs. Et sur les... Tu sais faire? Tu fermes? Je vais se fermer. Sur différents exemples, il y a du boulot concret. Nous, par exemple, sur Toulouse, on a Eurocentre qui est un centre logistique. On a le port sec de Barcelone. Parce que les containers qui arrivaient au port de Barcelone maintenant ne sont plus déchargés à Barcelone. Ils sont envoyés ce qu'on appelle les ports secs. Hein, c'est dans toute l'Europe maintenant. C'est les grands ports. Ils ne déchargent plus sur place. Les dockers, ils mettent juste le container sur un camion qui va sur un port sec plus loin, centre logistique, et puis décharge la marchandise après. Donc là, on bosse avec les camarades, puisqu'on a carrément l'entreprise Port de Barcelone à Toulouse, qui est immense, personne ne le sait. On a même un copain qui travaille, il ne sait même pas qu'il travaille pour le Port de Barcelone. Et donc, ça fait 15 ans que ça existe quand même. Hein. Et donc là, on a enfin contacté une organisation qui veut bosser avec nous à Barcelone pour coordonner les travailleurs de la même entreprise. Et comment veux-tu bloquer les capitales? Alors que là, c'est vraiment c'est un des réseaux de base du capitalisme, du commerce capitaliste européen. Quoi. C'est vraiment un axe central. Ça sonnait. On n'est pas... Ah, c'est bon. On n'est pas foutu de commencer un travail là-dessus. Quoi. Donc ça se met en place, mais il faut concrètement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire le boulot trois fois. C'est qu'il faut commencer à voyager pour rencontrer des camarades et échanger, mais ça se fera physiquement. Quoi. Mais par multinationale. Ça peut être là, ça peut être par branche professionnelle. Et puis, ma question, il y a énormément énormément de choses qui m'ont parlé dans tout ce que vous avez raconté, parce que j'ai bientôt le tronçon de syndicalisme derrière moi, donc c'est vraiment tout fait écho, mais du coup je vais juste intervenir sur un seul point, c'est vous avez parlé dans les objectifs de la réunification syndicale de classe. Moi en ce moment je suis à Solidaire, mais comme quoi j'ai vu d'autres avant. Et du coup là vous agissez comment de ce point de vue-là? Il y a des relais par exemple dans les autres syndicats ou pour travailler à cette réunification justement? Chez nous, Solidaire, ça existe. Ouais. Ouais, non. On parle de la CFTC. Ah oui, c'est vrai, chez nous, il reste. Non, parce que chez nous, en fait, c'est la CFTC qui est la première organisation. On a une spécificité en Alsace. Du coup. Merci, merci. Non. Oui, du coup, c'est un peu plus compliqué comme on n'a pas Solidaire chez nous. Mais en gros, là, la perspective, elle peut partir à plusieurs échelons. Ça peut être déjà au niveau du syndicat de la même profession. J'ai un exemple, hein, il me semble que c'est du côté d'Albi. On a le syndicat CGT Éducation et la FSU qui est centrée éducation. Hein. Bon, en fait, ça va être travailler sur des campagnes communes, mais constamment. C'est-à-dire, ça peut être partir de l'unité d'action et au final, impulser le fait chez les camarades des différents syndicats, leur dire bah, regardez, au final, on propose la même chose. Qu'est-ce qui nous divise en fait? Bon, ok, d'un côté, ils sont en syndicat de métier, si ça, ça, mais ça se travaille. C'est des choses qui se travaillent, c'est la discussion. C'est plus facile notamment dans les villes où il y a des locaux communs partagés, parce que chez nous on a chacun nos locaux en propre, on les voit pas forcément au quotidien les camarades, mais oui, ça peut partir déjà au niveau de la branche, travail en commun, impulser, dire regardez, on propose la même chose, on a même quasiment les mêmes pratiques, pourquoi on n'irait pas vers un travail permanent ensemble quoi, c'est-à-dire essayer de faire dire aux camarades pourquoi on est encore divisé, pourquoi selon toi. Et le faire parler, et derrière, contredire, quoi, apporter la contradiction. Est-ce qu'on a des endroits où on a déjà du... Vous avez eu des réussites concrètes sur la réunification à ce niveau-là? Il y a eu différents exemples. Alors, c'est microcosmique, hein, mais c'est vrai que ça crée des dynamiques. Hein. Quand c'est fait localement, exemple de 34 quand même. Hein, la fusion syndicale de 1934-36, le processus qui dure 2 ans. Donc ça passe dans les syndicats, ça passe dans les unions locales, ça passe dans les bourses du travail, ça crée une impulsion qui va expliquer juin 36. Hein. Juin 36, bon, sauf dans la mythologie ultra-gauchiste, mais juin 36, c'est pas... Putain, les travailleurs, ils se lèvent le matin, tiens, je vais faire grève générale ce soir, quoi. Non, il y a une impulsion, il y a une mise en confiance, il y a des discussions, une fraternisation concrète, quoi. C'est-à-dire que le mythe, je reviens sur la sociabilité, ce qu'on disait tout à l'heure, mais le mythe de croire que les travailleurs vont se sentir solidaires d'individus lambda qui ne connaissent pas, qui mythifient, ça n'existe pas. Quoi. C'est-à-dire que tu vas faire grève, tu vas sortir une grève à côté quand tu connais quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. C'est ça la réalité. C'est le rapport humain qui a permis des constructions de transformation sociale, d'actions concrètes. Tu ne fais pas avec des robots, c'est pas... Donc ça passe en effet par des liens de fraternité entre organisations, donc ça se construit par des campagnes communes. Et parce que le réflexe inverse, c'est super souvent expliqué le concept d'anarcho-syndicalisme, qui nous, c'est pas lié à l'anarchisme, qu'on pense qu'en plus, ça n'a rien à voir avec l'anarchisme, l'anarcho-syndicalisme. C'est vraiment, à partir du moment où tu commences à mythifier ton organisation, et moi je l'ai connu aussi bien à la CNT qu'à Sud, quand je suis rentré à Sud, c'était début de création de Sud après 95, où j'ai vu des camarades qui ont construit Sud un peu partout, où c'était voté dans les congrès, c'était une réaction transitoire. En vue d'une recomposition du mouvement ouvrier. Au bout de 5 ans, moi, quand j'ai quitté, j'ai dit ciao, au revoir, quoi. Vous êtes une secte. C'est-à-dire que c'est une fin en soi, Sud. C'est-à-dire que votre orientation de congrès que vous avez voté, comme quoi c'est une transition pour recomposer le mouvement ouvrier, pour faire de nouvelles pratiques, pour peser sur la CGT et proposer l'unification à la CGT, c'était complètement abandonné au bout de 4 ans. Pourquoi? Parce qu'en effet, une petite bureaucratisation qui se ferme aussi. Hein. Et puis même sans bureaucratisation, l'auto-satisfaction, j'ai mon syndicat un peu différent, super, je suis différent des autres, c'est vachement bien, je ne sais pas en quoi, mais enfin bon, c'est parce que je sais pas ce que je suis passé à Sud, que j'étais mieux, que j'étais à CNT, inversement, quoi. Ça n'a pas changé vraiment ma vie. Hein. Mais donc c'est ça, tu t'identifies à un truc coloré, c'est sympa, donc là, tu as une dérive qui est à la base, hein, c'est pas juste des méchants permanents, des méchants bureaucrates, c'est malheureusement tout le monde qui joue ce jeu-là d'identification partidaire, affinitaire, mais sectaire, c'est pas dans le sens noble du terme où... Tu te ressembles avec d'autres camarades pour penser une pensée philosophique. Moi, je pense que c'est vachement bien quand les camarades se regroupent entre anarchistes, entre marxistes, machin, pour élaborer, comme tu disais tout à l'heure, c'est utile, hein, même dans le mouvement syndical, parce qu'après, ces réflexions-là vont enrichir le débat dans le syndicat. Quoi. C'est le rôle des relations affinitaires, non, c'est de penser le socialisme, le processus, comment on fait. Quoi. Mais c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire, plus on crée d'orientations dites différentes, plus c'est nul, quoi. Plus le schéma est débile, plus moyen de contenu, et plus c'est appauvri, quoi. Moi, j'ai fait 7 ans à CNT, j'ai rien appris sur l'anarchisme. Hein. Oui, et puis, pour ajouter là-dessus, hein, cette question d'unification, elle est entre différentes organisations, mais aussi en interne à CGT, c'est-à-dire unification des syndicats d'entreprise en syndicats locaux. Parce que dans la même logique, quand tu montes un syndicat de boîte, que tu as 4-5 adhérents, voire parfois moins, hein, quels débats vont être menés? Le niveau politique, il est fait de manière générale, on le sait. Il y a peu de chances d'avoir dans un syndicat de boîte avec 5 adhérents, 5 militants chevronnés. Moi, je m'occupe au niveau de mon UD des adhésions de syndicats. Récemment, j'ai une demande d'adhésion de syndicats. Bon, les camarades, ils sont plus représentatifs dans sa boîte. Voilà, c'est vraiment la galère. Ils sont 5 syndiqués, dont notamment sa compagne qui ne bosse pas du tout dans la même branche, c'est ça. Je reçois la composition du bureau. Sa compagne est trésorière du syndicat alors qu'elle n'est même pas de la branche d'activité. Elle n'est pas du syndicat, c'est ça. Et le mec me dit, bah oui, mais il n'y a personne qui veut prendre la responsabilité. Bah ouais, dans ce cas, il faut peut-être voir pour autre chose. Par exemple, un syndicat local de branche et où il va pouvoir y avoir du débat. Parce que sinon, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve à un congrès d'UD, un congrès duel, où la personne qui est secrétaire général du syndicat, qui est le seul à avoir un peu de réflexion dans son syndicat, va porter des positions personnelles. Alors que les positions personnelles, on les porte dans son syndicat. Et les congrès de fédération, d'union départementale, c'est des congrès où normalement, il y a déjà eu une mise en commun localement. C'est pas de l'expression personnelle, quoi. Donc l'unification, elle est vraiment à tous les degrés. Hein. Et y compris aussi avec les organes, avec les, ce qu'on disait avant, hein, les organisations culturelles, sportives et tout ça, ben, l'unification avec l'organisation de classe, quoi. Parce que la FSGT, là, pareil, hein, on rappelle FSGT par rapport au caractère historique, mais aujourd'hui, la FSGT, elle a totalement dérivé, quoi. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas très... C'est plus que c'était, ouais. C'était mieux avant. Après toi. Oui, moi j'avais une question sur, parce qu'on parle beaucoup de syndicats d'entreprise, etc. Au niveau du secteur public, où on n'a pas du tout ces choses-là, les NAO, etc. Où on est plutôt structuré, soit en syndicats départementaux, soit en syndicats carrément nationaux. Comment vous voyez les choses? Parce qu'il me semble qu'il y a des spécificités qui, du coup, sont différentes pour arriver au type de résultat que... voilà. Je donne un exemple. Dans l'Union départementale CGT Bureau, on a un collectif fonction publique qui existe, qui essaye d'exister, mais qui, concrètement, sur la période sur laquelle j'en ai la vision, arrive à être actif, en fait, en période d'élection professionnelle. Et en dehors, c'est très difficile. C'est très difficile, les gens ne viennent pas, c'est un cercle vicieux, il y a des affections, chacun retourne dans son administration, faire son syndicalisme dans son coin, et puis voilà. Et on arrive à s'entraider, en fait, pour gagner les élections professionnelles. Je caricature à peine. Donc c'est... bon, je parle de la CGT parce que c'est ce que je connais, mais je sais que Sud Solidaire avait essayé aussi d'avoir un collectif comme ça, et j'ai pas eu l'impression que ça réussisse plus. Et je pense qu'effectivement, il y a des chances que les causes et les effets soient les mêmes. Voilà, donc d'où la fonction publique, c'est quand même 5 millions de personnes, toutes fonctions publiques confondues, avec un statut spécifique, on dépend pas du code du travail. On n'a pas l'inspection du travail, ça a des conséquences. Enfin, on est tellement privilégié qu'en fait, on n'a même pas le droit de téléphoner à l'inspecteur du travail, etc. etc. Et on est quand même parmi les plus gros employeurs précaires du pays, il me semble aussi. Voilà. Et qui ne bénéficient pas des garanties du code du travail, bien évidemment. Et dans le syndicalisme fonction publique, le précaire, c'est très dur à faire prendre en compte aussi. Par rapport à ce que tu dis là, oui, déjà au niveau de l'éclatement... toi, tu dépends de quelle fonction publique Alors, moi, fonction publique d'État, je suis dans un État. Ministère très différent de Sam. Moi, je suis dans le ministère des Finances, je travaille à l'INSEE. Le ministère des Finances, c'est les impôts, c'est le trésor, c'est très régalien. Il y a les douaniers aussi, pas loin. Ouais. Et donc, nous, on fait les statistiques. Ok. Voilà. Ouais, donc, quand on regarde en termes de fédération qui existe à la CGT, qui rayonne sur... la fonction publique, hein, on en a un tas. Il y a la Fédération des travailleurs de l'État, il y a celle des services publics, où ça va être plutôt les territoriaux, celle de l'environnement, les finances, donc, dont tu dépends, où effectivement c'est que des syndicats nationaux de services. En fait. l'éducation, quoi. Bah, déjà, il y a une problématique là, c'est qu'en fait, on n'est plus sur un syndicalisme par branche professionnelle, parce que si on veut à un moment faire la révolution et reprendre tout en main, c'est par branche d'activité. Là, quand on regarde dans les 10 services publics, c'est pas par branche. Généralement, l'organisation, elle se fait sur le statut. À deux exceptions près, hein, ça va être l'éducation, il peut y avoir privé, public ensemble, où il y a des dynamiques, il me semble, au niveau fédéral, où certains y travaillent, notamment les camarades du Rhône, ou également la santé, où c'est une fédération unique privé-public, où là, il y a une perspective unifiante qui est lancée. Mais dans le reste, hein, si par exemple on regarde la fédération des services publics, bah, c'est vraiment du syndicalisme statutaire. C'est, on va défendre de bout de grâce sur le statut de territorial, mais où on va retrouver des activités qui n'ont strictement rien à voir. Hein. Il va y avoir la crèche, à côté, il va y avoir le camping qui dépend plus de l'hôtellerie-restauration, ça va être un peu un tout et n'importe quoi. Et sur ce point de vue-là, d'un point de vue perspective révolutionnaire, il va falloir qu'on remette en cause certaines choses. Alors, ça ne va peut-être pas être le chantier le plus évident, hein, parce que ce n'est pas franchement la fédération qui va le plus se remettre en cause sur ces questions-là, je pense, aujourd'hui. Oh, mais on va peut-être être aidé parce qu'avec les millefeuilles qui sont en train de faire avec les réformes, c'est vrai aussi. On va avoir un France Télécom généralisé, on va avoir une diversité de statuts dans chaque administration. C'est vrai aussi. Donc de ce fait, cette fédération de statuts risque de... Donc les proposer. Mais oui, il y a clairement un problème de corporatisme, cette fois-ci statutaire. Et où la défense du service public devient au final une défense du statut. Et comme tu le disais, le statut, c'est... Enfin, on est loin du mythe du statut hyper protecteur, c'est trop bien, on veut tous être fonctionnaires, enfin. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça aussi un problème, parce que la fonction publique, c'est le statut de fonctionnaire, c'est une catastrophe. Hein. Dont on ne se rend pas compte. Oui, il y a quelques petites... Il y a une progression de carrière, mais sur le reste... Il y a la sécurité de l'emploi. Ouais, la CGT était contre le statut de fonctionnaire. C'est Maurice Thorez qui l'a ramené dans ses valises de l'URSS. Hein. CGT était même au début pour contre-syndiquer les fonctionnaires. Bon après, accepter les syndiqués quand ils ont commencé à combattre l'État. Mais là-dessus, on est bloqué. C'est-à-dire, si, tant qu'on crée ce mythe social-démocrate, comme quoi les institutions capitalistes défendent les travailleurs, là, t'es cuit. Donc, tu t'organises en fonction de ces institutions capitalistes qui sont vachement bien, qui sont de gauche, vu le Front Populaire, la CNR, et on se dort toute la suite de la religion de gauche. Mais tant qu'on casse pas ce mythe-là, on est foutu, quoi. Parce qu'en effet, on s'organise comme le fait l'adversaire. Quand on voit, par exemple, dans l'équipement, comment ça a été fait, ils ont cassé la CGT dans l'équipement juste. En restructuration institutionnelle, la CGT a accompagné. Quand ils ont divisé les PTT, pour ceux qui se rappellent des PTT, ça s'est divisé en deux, ils ont une petite réforme. Nos camarades de Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un congrès fédéral, ils ont divisé les syndicats Sud en deux. Super. Vu le syndicalisme combatif et je sais pas quoi, là tu fais de l'accompagnement. C'est-à-dire quand tu penses t'organiser en fonction de ce que l'adversaire t'impose, son cadre juridique dans le cadre du capitalisme, bah, tu peux toujours dire que tu es révolutionnaire le week-end, je veux bien, mais à part que ton activité, ton outil que tu t'adaptes pour lutter contre le système capitaliste, tu le plaques sur le modèle capitaliste. Quoi. Donc, c'est comme la CGT quand elle a créé le syndicat d'entreprise. Voilà. Alors, c'était fait un peu même avant 68. Le schéma est très clair. Quand ils ont fait les syndicats d'entreprise, les camarades qui ont voté à l'époque, il y a eu des tensions, des débats qui n'étaient pas carrés, hein, parce qu'il y a très bien des militants qui savaient très bien ce que ça voulait dire, qui étaient très formés, qui avaient très bien compris ce que ça voulait dire, ce qui tenait vraiment au syndicat industrie. En fait, officiellement, c'était fait les syndicats d'entreprise pour créer 80% de syndiqués dans les boîtes, pour aller au quotidien, toi, vraiment, tu syndiques la personne sur des problématiques vraiment de terrain, patati patata. À part que la vraie raison, on ne va pas se mentir, hein, c'est qu'à l'époque, 30 glorieuses, le niveau de vie augmente, et les militants, ils n'y croient plus à la révolution. Hein. Et donc, ils vont se recentrer sur l'entreprise, parce que comme ça, on négocie avec le patron, les marges de manœuvre... Hein, le compromis, et puis voilà, on fait un boulot de boîte, et dans les années et les mois qui suivent, les unions locales se cassent la gueule. Hein. C'est tout de suite. Hein. C'est pas... Et il y a des secteurs où les militants du PC, ça je disais tout à l'heure, attention, les militants du PC, moi je vois, par exemple, je réponds toujours, mais je viens de la Champagne, où à l'époque, contrairement, attends, c'est les militants PC, c'est pur et dur, hein. Mais ils refusent d'appliquer. Hein. Ils disent clairement, on veut pas ça, on veut pas de syndicats d'entreprise. Ils font l'inverse. Ils vont faire des syndicats, par exemple chez nous, les syndicats du Champagne. Tous les travailleurs du Champagne sont dans un seul syndicat. Ben, résultat, ça renforce le syndicat. Et actuellement, quand il y a encore des grèves, je vois, il y a encore une grève il y a 2-3 ans, ils ont envahi une entreprise, c'était Mercier, je crois, avec d'autres mecs, et tout le monde a débrayé. Parce que les mecs, ils se connaissent. Ils bossent, ils sont sur le même syndicat, quoi. Donc tu défends la convention collective, et ainsi de suite. Et dernière précision là-dessus, c'est aussi qu'on est dans un, dans un tel repli, dans un tel défaitisme, que on va avoir la même logique sur les entreprises. Hein. Un patron, il restructure, on en a vu plein, des trucs comme ça. Il divise sa boîte en deux, c'est-à-dire la moitié Est, la moitié Ouest. Et les camarades, leur réflexe, ça va être, je vais créer le syndicat Butachimie zone gauche, et à côté, créer un autre syndicat d'entreprise Butachimie zone droite. Récemment, j'ai eu une intervention chez les camarades, je leur ai dit, mais vous êtes au courant qu'en fait, vous pouviez rester dans un seul et même syndicat? Ah non, parce qu'en fait, on a intégré que le syndicat s'est calqué sur les IRP, alors que le code du travail, il laisse une marge de manœuvre énorme. On n'a pas le droit de monter des syndicats multiprofessionnels si c'est ça, mais des syndicats professionnels, on peut les monter plus ou moins comme on veut. Il faut juste qu'il y ait un caractère connexe entre les activités qu'on met ensemble. On définit dans les statuts, mais on fait à peu près ce qu'on veut, quoi. C'est pas limitatif, et je parle dans le droit bourgeois. Hein. C'est-à-dire qu'on est, plus conservateur. Est-ce que tu as la même chose au niveau public ? Parce que nous, c'est des trucs paritaires, des trucs comme ça. Oui, mais déjà, il y a encore moins de main-d'œuvre, parce qu'en plus, c'est calé sur le ministère, c'est calé sur la communauté de communes. C'est-à-dire, la communauté de communes, elle va se modifier, on va créer une intercommunalité, si ça. Ah bah tiens, il faut qu'on calque nos statuts de syndicat dessus. C'est partout pareil. C'est... Il y avait toi qui voulais intervenir. Mais... Oui. J'attendais que ça finisse quand même. Désolé pour le retard déjà. J'étais un peu retardé. Moi, c'est Amine. Alors, je suis à la CGT des postaux. Enfin, les chèques postaux. C'est les centres financiers de la Poste. Donc, on est un peu des facteurs qui faisons de la finance. j'anime avec quelques camarades le collectif jeune départemental du Rhône, CGT. J'avais un peu entendu parler de vous par c'est Antoine, je crois, de Toulouse. Antonin, oui. Voilà. Du coup, ça m'avait dit viens voir, ça va être intéressant, effectivement. Par contre, j'irai même un peu plus loin. À un moment, vous avez parlé, enfin, c'est toi qui a parlé d'un syndicalisme de service. Et j'ai bien l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est cette optique de syndicalisme de service qu'on s'impose presque au quotidien, parce qu'il faut voir les unions locales, parce qu'elles se sont recroquevillées en fait, sur que quelques activités. Hein. On fait beaucoup d'accueil juridique maintenant, d'ailleurs, on a enlevé le mot accueil syndicaux quasiment. Et ce syndicalisme de service fait qu'on se sent toujours obligé de proposer, en gros, quelque chose d'attrayant. Et je pense que c'est ce qui a détruit petit à petit l'organisation révolutionnaire dans le syndicat, parce que du moment où on prend cette perspective, on n'attaque plus. On est là pour répondre à une demande. Et on a l'impression que c'est ce que les gens veulent. Donc c'est pas de mauvaise foi, hein. Les camarades qui font ça en sont réellement convaincus. Et je trouve que en fait c'est assez lié, hein, à toutes les problématiques que vous avez citées, hein, dans toutes les interventions. Ça veut dire que par exemple pour les TPE, je vais un peu plus loin, pour les TPE on dit pas il n'y a pas de syndiqués dans les TPE. En fait, on dit, mais de toute façon, dans les TPE, ils ne savent pas se défendre. C'est nous qui devons aller leur apporter quelque chose. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on va proposer? Ça veut dire que l'élection TPE, elle est basée sur une vente de la CGT. C'est, on va vous vendre, je parle pour mon syndicat, hein. On va vous vendre des solutions. Alors qu'en réalité, c'est fait à cause des fameux syndicats interpro dans les UL qu'on a totalement délaissés. On a fait vivre les UL avec les cotisations. Beaucoup des syndiqués isolés, sans réellement vouloir promouvoir les syndicats pro locaux les syndicats professionnels les UL, multipro, des indépendants, des isolés. Et pour deux raisons en plus, parce qu'il y a une raison économique et il y a une raison politique également. Parce que finalement, ils prendraient beaucoup de poids, ces syndicats-là. Puisque ça réunirait énormément de voix dans les UL. Hein. Moi, je vois le nombre de syndiqués. J'ai fait partie du bureau de l'UL dans le 7e, 8e. On le voit énormément. Donc, je pense que voilà, ce problème, il est vraiment beaucoup plus compliqué que juste le fait de pas savoir faire ou de pas vouloir faire, c'est encore plus vicieux, c'est intéressé actuellement. En sachant qu'il y a beaucoup de camarades hein, qui aimeraient pourtant faire l'inverse, mais après, c'est pareil. Je pense qu'on se met beaucoup de limites également. Ça, c'est une chose qu'on peut voir. Et j'ai été assez intéressé, enfin, j'ai un peu souri parce que tu as parlé à un moment des syndiqués qui étaient dans les collectifs et qui ne faisaient pas vivre dans la CGT tous ces collectifs. Et c'est un débat que nous avons eu au collectif jeune il n'y a pas longtemps. Parce qu'actuellement, on a pris pour ambition depuis un certain temps, là on a réussi à mettre ça en place depuis septembre, c'est refaire vivre la bourse du travail. Vraiment sur des activités. Hier encore, on avait une conférence gesticulée à la Bourse du Travail. C'était très bien. Et tous les mois, on fait une conférence gesticulée pour réouvrir. Là, on va ajouter des ateliers pour que les gens puissent échanger encore et construire derrière et la faire vraiment revivre autour de l'activité. Parce que ce qui manque aussi dans le milieu militant, et ça après j'en parle par expérience, parce que du coup, je ne suis pas du tout d'éducation militante. Dans ma famille, j'ai pas de militants. Je débarquais comme ça par hasard. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que malheureusement, le militantisme actuel exclut beaucoup trop de gens. Et ça, c'est vraiment dur. Nous, on l'a remarqué parce que avant de réouvrir les bourses du travail, on a créé les barbecues populaires. Donc, on va dans les quartiers populaires. On met des tables sur l'éducation, des tables sur le logement, les sociaux. Et les gens viennent juste échanger, en fait. On leur apporte rien. C'est eux qui viennent construire ce qu'ils veulent construire localement et prendre de l'information. Et nous, on est là en soutien et on est là pour échanger, leur permettre de s'exprimer. Avec nous, enfin, essayer de voir si on peut leur donner un moyen supplémentaire, si on peut aider. Mais vraiment dans cette optique-là. Ouais, c'est fou de voir que les militants, enfin, de notre côté, c'est dur, hein. Quand on fait un truc comme ça, non, bah déjà, hein, c'est le week-end, alors faut pas trop abuser. Faudrait qu'on vienne quand les gens sont au travail, parce que sinon ils risquent de nous parler. C'était pas le mardi de 15h à 16h. Hein. Je me disais que c'était pour ça que ça marchait pas, en fait. Mais du coup, derrière, et les gens viennent, là, on a réussi à avoir une union locale à Vénissieux, qui nous a soutenus quand même, au Vinatier, sur Bron. Mais voilà, c'est super compliqué, même dans le milieu militant. On vient te dire, en fait, mais en fait, c'est pas notre rôle. C'est qu'en plus, les gens intègrent le rôle des associations. Parce que tu disais qu'on devait faire vivre tous ces collectifs et tout dans la CGT. Non seulement on l'a perdu, mais en plus, on pense que c'est pas du tout du syndicalisme. On a réduit le syndicalisme à la défense limite juridique. Individuelle. C'est ça. Et du coup, je pense que la complexité, elle vient de là. Et c'est pour ça que, bon, après, nous, on ne dit pas qu'on a les solutions, hein, mais ne serait-ce que ces réouvertures, ces ateliers et tout ce qu'on essaye de remettre dans la bourse de travail, je pense que, et ces interventions qu'on fait dans les quartiers, c'est pour essayer. Après, on ne sait pas, il y a peut-être d'autres expériences, hein, c'est pour ça que j'en parle, parce que d'autres expériences peuvent peut-être nous aider à développer ça encore un peu mieux. C'est vraiment essayer de se dire que, bah, pour qu'on puisse construire un syndicalisme révolutionnaire à nouveau, c'est déjà que les personnes, enfin, les gens non visés, parce que on se parle trop souvent entre militants, que toutes ces populations qu'on touche pas puissent déjà savoir que c'est elles qui construisent la société et que leurs idées, en fait, peuvent faire avancer la lutte. Parce que c'est dans cette prise de conscience que l'on peut agir. Si on se convainc toujours entre militants, bah notre problème, c'est qu'en fait, on est toujours les mêmes dans les manifs. Donc du coup, je sais qu'il y a des choses qui étaient faites à Toulouse. C'était Antonin qui m'en parlait vite fait. C'est lui, le Toulousain. Mais du coup, voilà, c'est tout. Voilà vraiment la dynamique qu'on a essayé de lancer. Mais... Combien de quartiers vous avez fait ça, le barbecue populaire ? On a fait ça, alors on a visé 3 quartiers parce que le 8e était assez grand, on en a fait 3 là-bas. Okay. On a fait Vénissieux, on a fait Bron et après je sais plus quoi. Vous avez fait un bilan de ça ou non ? Pas écrit ? Ouais, on a fait un bilan rapide, ouais. On a des écrits. Non, je dis ça pour moquer de toi, mais c'est sur la transmission. Quand on parlait de la culture ouverte, c'est ça, quoi. Vraiment, les patrons ont cassé la transmission. Alors, l'éducation nationale, mais pas seulement, hein, partout. Et il faut qu'on reprenne cette habitude. C'est-à-dire, on fait un truc qui marche, mais putain, faut le mutualiser tout de suite, quoi. Mais on a communiqué, nous, au niveau de... En tout cas, on a averti le collectif jeune national. Voilà, comme je dis, les camarades comme Antonin, mais comme les jeunes de la fonction publique, quand ils sont venus, on en parle beaucoup. Après, voilà, on se confronte à ce qu'on confronte tout collectif. On a un boycott de notre communication. Ça, par contre, c'est une réalité, je vous le dis tout de suite. Enfin, voilà, on passe par d'autres. On a des soutiens, heureusement. Mais pour communiquer plus largement, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pour ça qu'on profite de tous les moments aussi pour en parler et pour échanger. Parce que voilà, on lance des idées, mais une idée, c'est fait pour s'enrichir aussi d'autres expériences. Commentaire. Bah si, tu disais sur les bourses du travail, enfin sur tout ce qui était avant normal. Là aussi, enfin c'est pas pour, c'est pas l'adversaire qui nous a retiré les bourses du travail. Hein. C'est bon. Non, c'est bon. C'est pas eux qui ont vidé les bourses du travail. Il y a une étude qui a été faite par un. Je ne crois pas qu'il était révolutionnaire, un historien là, qui a fait une étude sur sociologue plutôt, je veux dire, sur tourisme et travail, qui était l'organisation, donc deuxième groupe en France de tourisme jusqu'aux années 80, qui organisait donc toutes les activités de tourisme social de la CGT à l'époque, du CGT. Hein. C'est le deuxième groupe en France, après le Club Mitterrand. Et le bilan du sociologue là, qui a fait son doctorat là-dessus, je crois, c'est qu'il dit clairement que l'organisation n'a absolument pas été attaquée par les méchants capitalistes, n'a pas été attaquée par le Club Mitterrandais. C'est pas du tout les usagers qui allaient en vacances qui étaient super contents de ce qu'ils vivaient fraternellement, comme nous on était contents étant jeunes dans les colonies de vacances. Ils disent c'est les militants de la CGT, les responsables CGT qui ont liquidé tourisme et travail. Bah, tout pour une simple raison, c'est que c'est nos militants qui sont avant tout en bourgeoisie avant les prolos. Et nous, comment on allait justement que le Mitterrandais, on n'avait plus forcément besoin de tourisme et travail, quoi. C'est-à-dire que l'embourgeoisement, c'est nous qui l'ont amené, quoi. C'est pas, enfin, le bilan, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que quand je parlais des dérives des années 20, on a lâché pas mal de choses. C'est nous qui avons lâché, hein. C'est pas l'adversaire. Les bastions ouvriers, on parle toujours des attaques parce que c'est plus facile de se dire on est vaincu, mais bon, les autres sont méchants. Mais quand tu t'abandonnes toi-même les positions, la victoire, tu peux difficilement l'obtenir quand même. C'est quand même assez compliqué. Je dis pourtant, il y a une réelle demande aujourd'hui. Il n'y a pas un bouquin qui a été fait en 100 ans sur l'histoire des bourses du travail. C'est-à-dire que je te parle de n'importe quel groupe maoïste en France de 70 à 82, tu auras 3 études. Je plaisante à peine. Et par contre, tu n'as pas d'histoire, tu n'as aucun historien qui a fait une étude sérieuse des bourses du travail depuis 100 ans en France quand même. C'est, tu vas me dire quand même que c'est le fruit du hasard. C'est que, en effet, ça dérangeait. Ah non, mais c'est un truc qui dérange. On l'a bien senti en commençant. Non, on l'a bien senti en commençant. C'est pour ça que ça fait écho. Mais ce qu'on sent également, c'est que beaucoup de populations, des fois, des personnes qui ne sont pas forcément militantes, qui vont passer et qui, effectivement, sont en attente de ça, de la part du syndicalisme. Mais après, là, c'était plutôt dans le sujet du syndicalisme révolutionnaire. Pour construire un syndicalisme révolutionnaire un peu plus puissant, un vrai syndicalisme révolutionnaire, je pense que c'est toute cette culture à la base, parce que c'est sûr que actuellement, un de nos plus gros défauts, c'est quand même de se battre contre... en interne, je parle, parce que quand on, même si c'est des débats fraternels et autres, ça n'en reste pas moins des luttes. C'est quand même de rester en position de minorité, en menant en fait un débat face à une majorité déjà hostile. C'est pas élargir à un plus grand nombre qui est au-delà de l'orga. Comme tu disais qu'on parlait, vous parliez principalement dans l'orga. Enfin, après je m'arrêterai là parce qu'il doit y avoir des interventions, mais c'était plus dans ce sens-là. Après, c'est pas un accident, c'est que concrètement, en problème en France, c'est qu'on est un pays latinos quand même. Donc on est tous révolutionnaires. Et même quand t'es plus. Hein, sauf vous, excusez-nous, mais sauf les accidents de l'histoire dus à des victoires militaires remportées sur l'ennemi teuton, mais sinon. Non, mais des pays, en Allemagne, tu vois, qu'il n'y a aucun prestige à être révolutionnaire. Quoi. Mais en France, tout le monde est révolutionnaire, même le président de la République, il fait un bouquin, c'est la révolution. Quoi. Donc tout le monde est révolutionnaire. Non, mais c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire en France qu'on a peur. Moi, tous les matins, quand je me lève, je me dis, putain, il faut que j'abatte le capitalisme bientôt. Non, mais c'est je le dis, moi. Que concrètement, si j'ai pas une orientation carrée, structurée, on s'y prépare sérieusement, on n'y va pas. On va se faire croire, oui, on va se mettre des badges, un look, des trucs, des machins, voilà, okay, bon. Des tatouages partout, rouge et noir, et tout ça, bon, ok, d'art, très bien. Mais à part qu'il faut y aller, tu n'y vas pas, parce qu'en effet, c'est complètement cinglé d'y aller. Quand tu dis actuellement, on va abattre le capitalisme international, vu comment on est organisé, on apparaît pour des dingues. Donc la perspective, c'est de se construire rapidement, quand même, pour être en capacité de le faire un jour. Parce que sinon, mais c'est du pipeau Mario, personne ne te prend au sérieux, quand même, le gars sérieux, la fille sérieuse qui te dit, bon, voilà. Donc, c'est-à-dire que vraiment, cette histoire de sociabilité, de mise en confiance, on voulait faire une étude sur la résistance, j'ai eu le temps de la finir, on a tout fait. On a repéré que tous les jeunes, entre guillemets, dirigeants de la résistance qu'il y a eu pendant la guerre, donc qui étaient quand même des dingues, parce que quand même, aller en 40, quand tu rentrais dans la résistance, vu la configuration internationale, quand même, pour monter un groupe de résistance en 40, t'es pratiquement suicidaire, quoi. C'est pas compliqué, ils étaient tous issus des bourses du travail. C'est des gamins qui, 20 ans avant, étaient socialisés dans les bourses du travail. Voilà, c'est pas compliqué. Et comment ils ont monté leur réseau de résistance, bah, tout simplement, ils ont monté dans les bourses du travail, mais ils ont monté avec d'anciens camarades, quand je dis camarades au sens propre du terme, avec qui ils avaient vécu des choses très intenses depuis des années, dans les colonies de vacances, des activités d'entraide et ça. Et là, tu vas tu as la bagarre, parce que tu as confiance, tu as besoin de te retourner tous les 3 minutes. Moi, je dis franchement, actuellement, quand tu te bats actuellement, tu te retournes tous les 3 minutes pour savoir si les camarades sont toujours derrière toi. Quoi. Non, mais arrêtez, ils ne sont pas souvent. Donc tu dis, tant qu'il n'y a pas de sociabilité et de fraternité au quotidien, donc on continue à se diviser sur moi je suis telle couleur drapeau, moi je suis telle... Mais c'est très bien, c'est en fait pour des gens qui ont peur. Nous on dit la division, dans tous les sens du terme, elle est rationnelle. C'est-à-dire plus tu vas faire division, moins tu as en effet de chances d'aller à l'affrontement avec l'adversaire. Parce que tu n'iras pas. Donc la division permet de créer les conditions matérielles où il n'y aura pas d'affrontement anticapitaliste sérieux. Et c'est pour ça que tu as dérivé anarcho-syndicaliste. Ça a été fait pour ça, bien sûr. Parce qu'en effet, quand tu divises ton syndicat en 3 morceaux... peu de chances de gagner contre ton patron, alors la révolution mondiale, t'es pas prêt de la faire, quoi. Parce que pour socialiser, moi je veux bien qu'on m'explique qu'avec 7 confédérations, 8, 9, 10, on va socialiser un jour l'industrie en France, le nucléaire. Moi je dis clairement, si on a 7, 8 fédérations de l'énergie nucléaire, enfin l'énergie en France, je suis contre la révolution, hein. Parce que Golfech, à côté de chez moi, ça a pété au bout de 15 jours, quoi. Non mais c'est ça, on va faire un congrès de fusion des fédérations de l'énergie, jour de la révolution, allez gars, on est 7 fédérations, non, allez, on a fait une connerie, on va juste, on va gérer maintenant tous ensemble le réseau nucléaire français. Hein. Alors, on va appeler Sud, et Sud, vous êtes dans quelle centrale nucléaire? Bon ok, d'accord, vous, la CFTC, vous êtes où? Bon, mais on est sérieux là ou quoi? Au bout de 3 jours, on commence à crever de faim. Au bout de 7, on n'a plus d'énergie, on n'est plus opéré à l'hôpital. Et au bout de 10, il y a une catastrophe nucléaire, quoi. Non, mais si on parle réellement de préparation révolutionnaire, on n'est plus dans l'Espagne, l'Aragon, avec des petits villages qui visent l'autosubsistance, quand même. Donc, il faut un outil pour faire la révolution. Bah, non, quand tu as parlé. À l'époque, il n'y avait pas que de l'autosubsistance, il y avait une planification des échanges. Oui, à minimum, oui. Il y avait Sam, qui voulait intervenir, après il y aura Sophie. Sur Lyon, quand même, on part pas. Enfin, moi je voulais insister un peu, faire un petit château local. On part pas tout à fait de rien, ni en termes historiques, ni en termes organisationnels, pour développer une pratique SRA. Alors, déjà, ce que tu disais, il n'y a pas d'histoire des bourses du travail récentes, alors pas au niveau global, mais il y a une histoire de la bourse du travail de Lyon qui a été faite il y a environ 10 ans avec des choses intéressantes. Et puis, il y a l'IHS-CGT du Rhône qui produit quand même des brochures, notamment sur l'unité syndicale, qui sont pas inintéressantes, notamment dans la manière dont la réunification de 34 a été faite. Il y a des interventions régulières dans les congrès CGT là-dessus. Et il y a aussi une pratique de l'unité syndicale qui, avec des contours qui n'existent pas dans beaucoup d'endroits. Ici, les intersyndicales des unions départementales, c'est de la CNT, passant par la CNTSO, jusqu'à... potentiellement la CFDT, si on va le plus à droite, mais je veux dire, il n'y a pas, ça a existé dans le passé, hein, des pratiques d'exclusion syndicale, mais depuis quelques années, il n'y a pas volonté en fait, politique au niveau des structures, enfin, du DCGT qui est pivot là-dessus, de mettre de côté un certain nombre d'organisations syndicales. Ce qui fait que du coup, les tensions, certaines tensions qui existent ailleurs, alors elles existent quand même encore, mais elles ne sont pas, à mon sens, de même nature que quand tu as des structures, par exemple, dans des coins où tu as Sud, il n'est pas question que ce soit dans l'intersyndicale, alors la CNT, n'en parlons pas, etc. Ça, c'est le deuxième aspect. Sur les syndicalistes d'industrie, on a le syndicat lyonnais de l'énergie, qui est un syndicat de l'industrie. Du coup, qui, pour le coup, est une réussite militante au niveau CGT. Il existe dans Solidaire des syndicats d'industrie, dans la CGT certains aussi. Donc il y a, on va dire, des éléments de culture commune. Par contre, moi, sur l'aspect réunification, je vois plus de difficultés sur plusieurs aspects. Un, l'inexistence d'union locale dans un certain nombre d'organisations. Donc la culture confédérée, elle n'est pas forcément partagée, y compris à la CGT FO ou FO normalement. Confédération, mais en fait, il n'y a pas d'UEL, quoi. C'est juste une union départementale. Enfin, si, il y a une UEL à Vénissieux une fois tous les 10 ans et sur un papier, mais en fait, il n'y a pas de pratique d'UEL. Et du coup, ça peut vraiment poser un problème. Puis le deuxième aspect que vous avez un peu évoqué, mais je trouve pas suffisamment, parce que si on a pour objectif l'unification réellement, il ne faut pas ignorer les difficultés pratiques qui ne sont pas justes, justement, celles que vous avez évoquées, à savoir la culture d'organe, boutique et tout. C'est les questions de démocratie syndicale et le fait que une partie des scissions syndicales ne sont pas juste liées à l'envie de... sont liées au fait que des militants ou des militantes se sont fait liquider dans un certain nombre d'organisations. Et que du coup, leur seule possibilité, on va dire, de survie à un moment donné, peut-être qu'ils vont analyser, après on peut être d'accord ou pas, mais ça a été de créer un outil. Ça a été aussi, ils sont retirés un mandat dans la boîte et du coup ils sont privés par le patron, ça peut être qu'on va chercher un mandat dans l'autre entreprise. C'est pas juste parce que j'ai envie d'avoir une petite place au chaud, quoi. Ça peut être juste des mécanismes de survie. Et je trouve que ça, si on n'y répond pas, si on n'intègre pas dans une stratégie pour l'unité, on passe à côté d'un des trucs qui l'offre. Alors, dans les débats, nous, à Fédération, on a posé la question de l'unité syndicale et de l'unification. Dans les documents de l'UD du Rhône, on a inclus l'objectif d'unification. Donc maintenant, la question, c'est comment on y va, quoi. Et le comment on y va, c'est le problème aussi, c'est qu'en fait, c'est pas parce que c'est dans les documents que s'il n'y a pas de collectif fort et de réseau syndical fort pour le faire exister, en fait, ça reste c'est porté par une minorité, quoi. Mais on sait bien que quand il faudra mettre en pratique, il faudra être dans les instances, dans les collectifs syndicaux, il y a des gens qui le fassent vivre un petit peu réellement. Je trouve que là-dessus, on n'est pas encore très, très organisé en réalité, ni en volonté de le faire. Parce que chacun il a peut-être dans le bidon dans son machin. Mais oui, et puis je vais rajouter un petit truc, excuse-moi, sur le 5 par exemple, une des propositions qu'on a fait, c'est on va essayer de le faire en intersyndicale, je ne sais pas ce qu'il y a donné en intersyndicale départementale, mais c'était justement dans la question de la poursuite du 5 vers le 6, 7, 8, 9, etc. D'appeler à des rassemblements, des regroupements sur les UL pour que les UL retrouvent un rôle de coordination politique de la grève, justement, et pas uniquement d'espace en fait où on fait de l'accueil et tout. Et ça, c'est plutôt bien accueilli à la CEUD. Maintenant, dans la pratique, la question c'est combien d'UL vont se dire je vais me faire chier à mettre en place un comité d'action pour que ça devienne une réalité pratique. Donc moi, j'avais juste une petite remarque, parce que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on a nous-mêmes abandonné des acquis, c'est pas les patrons qui sont venus nous les voler, mais qu'on les a gentiment filés, ça me rappelle juste l'expression de Thomas Coutreau qui disait qu'on s'était fait prendre un compromis fordiste et qu'on avait troqué le pouvoir d'agir contre le pouvoir d'achat à un moment donné. C'est exactement ça, je trouve que c'est... Mm-hmm. Et sinon, c'était une question sur est-ce que dans votre tendance, il y a... une commission femme, ou en tout cas, enfin, je sais pas, un travail plus particulièrement sur le vaste problème de l'articulation du féminisme et du syndicalisme. Parce que vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui sont au syndicat, mais qui, qui vont faire plein d'autres trucs dans des collectifs ailleurs alors que la place serait à l'intérieur de l'organisation syndicale. Et moi, je suis 100% d'accord avec ça, sauf que concrètement, en tout cas, dans ce que j'ai vécu moi ces dernières décennies, c'était pratiquement une nécessité de survie pour des camarades femmes d'aller dans des organisations féministes à l'extérieur pour juste pouvoir survivre parce que il y avait des résistances à l'intérieur des syndicats. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle période où il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir. Je sais pas si c'est les vagues, j'ai pas forcément trop analysé, mais en tout cas, on sent que on peut vraiment faire bouger cette question-là. Parce que, comme tu disais, les syndicats sont devenus des aristocraties ouvrières, mais c'est les prolos qui sont exclus, mais c'est aussi par plein de mécanismes les femmes militantes. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, et en plus, comme on a un regain théorique, je trouve, en ce moment, du féminisme matérialiste qui permet vraiment, enfin, qui redonne des billes pour penser vraiment cette articulation-là, je pense à Federici, des gens comme ça. Et voilà, est-ce que vous avez un travail spécifique là-dessus dans la tendance ? Oui, déjà, effectivement, mon propos était peut-être maladroit sur ce sujet-là. Oui, c'est aussi les structures qui, effectivement, depuis des années, mettent des obstacles là-dessus aussi. On n'est pas que. C'est pas uniquement des fautes individuelles ou des fautes des militants, effectivement. Sur le reste, sur ces questions-là, en termes de commission interne au CSR, il y a la commission. Est-ce que ça rentre ? Avec Angèle, oui, c'est ça. Avec Angèle, oui. Le travail d'Angèle. Oui, voilà. On a une camarade qui a été intégrée au CSR il y a un ou deux ans, qui a rejoint les CSR il y a un ou deux ans, qui vient de structures comme le planning familial et des organisations féministes aussi, il me semble, qui pilote actuellement un travail sur ces sujets-là, quoi. Qui permet de mettre ça en perspective et qui le met vraiment en lien avec son engagement au sein de l'union locale. Elle faisait avec le planning familial pendant un temps des formation d'autodéfense féministe, certains en ont mixité d'ailleurs, ils ont intégré ça par exemple dans le planning de leur union locale du côté de Limoges, quoi. Et puis elle est en charge maintenant au sein des CSR justement de prendre en charge ces questions là qui peuvent se poser en interne à la tendance aussi, qui peuvent se poser partout, quoi. On n'est pas hors de la société. Et en plus, juste pour finir là-dessus, ça peut être aussi une super base pour la réunification syndicale parce que quand les camarades femmes se retrouvent en inter-orga, en se rendant compte qu'elles ont les mêmes problèmes dans toutes les orgas, toujours les mêmes trucs qui reviennent. Du coup, j'en profite pour faire deux petites annonces, parce que vous avez parlé d'une conférence qui sera en janvier sur la révolution féministe, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, janvier. Si ça pouvait ne pas être le 31 janvier... Je note. Non, parce que le 31 janvier, il y a une initiative justement CGT solidaire FSU. C'est une journée de formation qui va s'appeler « Sans féminisme, pas de lutte efficace contre l'extrême droite ». Et le sous-titre, c'est « Les fascistes ont bien compris que le privé est politique ». Et donc, c'est pour montrer comment les apports des mouvements théoriques féministes peuvent aider à analyser un peu plus profondément le phénomène fasciste et tout ça. Yes. Donc ça, c'est le 31 janvier, c'est une initiative intersyndicale sur Lyon, la Bourse du Travail de Lyon. Et puis, il y a bien sûr les intersyndicales femmes qui existent depuis maintenant plus de 20 ans, qui sont tous les mois de mars à la Bourse du Travail de Saint-Denis à Paris, qui rassemblent 300 à 400 militants et militantes, c'est mixte, c'est deux jours, tous les ans à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Voilà, pareil, entre CGT, FSU et Solidaire. Ok. Cool. Alors ça, pour compléter sur le travail... Il y a un gros travail à faire. Plus qu'énorme. Bon, c'est aussi un ciblage, hein, parce qu'on disait tout à l'heure sur cibler les professions, les âges, ainsi de suite. Hein. C'est un choix politique qui n'est pas celui de nos orientations pour l'instant, pour l'une des raisons qu'on a évoquées. Mais c'est vrai que nous, on est un peu emmerdés parce qu'il y a vraiment une problématique sur le féminisme actuellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les associations féministes, quand même, le boulot est fait, mais il y a quand même des larges secteurs du travail qui est plus fait maintenant, quoi. Entre autres, le planning familial, hein, c'est quand même assez grave ici. Moi, je vois ma fille quand même infirmière. Le nombre d'avortements qu'il y a actuellement à l'école d'infirmière par des jeunes filles qui sont entre guillemets conscientes et dans des plus de facilité que d'autres, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc il y a un boulot de base à faire qui est plus fait ou mal fait. Nous, là où on vit mal le truc, c'est qu'on est quand même, alors c'est pas pour se la péter, mais on a une seule orientation un peu sérieuse en termes de, qui a été créée par une femme, hein, Marie Guyot, parce que les CSR ont été créés par une femme en 1919. C'est la seule orientation, je crois, du mouvement ouvrier, au moins en France, voire en Europe. Ça, pareil, ça, c'est une femme qui n'a jamais été mise en avant. On pense que c'est pas pour un non plus, c'est pas juste pour des questions identitaires et autres, enfin, infinitaires, pardon. Mais là-dessus, il y a vraiment tout un travail de mise en responsabilité qui est pas artificiel, quoi, mais qui passe par une politique de priorité de recrutement, ce qu'on a adopté aussi cet été, hein, tu l'as pas dit, mais dire vraiment, faut accentuer le recrutement en direction des femmes, oui, en mise de responsabilité, en formation. Donc d'où justement la camarade qui est principale dans la France entière, elle devait venir à Toulouse, hein, c'était annulé, c'était fait pour le mois de janvier parce qu'il y avait plus de soucis. Mais là, il y a vraiment un objectif de mettre les camarades en responsabilité, quoi. On en parlait encore ce matin avec un autre copain, mais il y a vraiment un gros problème dans toutes les nations ouvrières et plus largement. Mais le boulot de terrain, on a l'impression que globalement, il n'est pas fait, quoi. Et pourtant, il ne faut pas grand-chose. Dans mon syndicat, ce n'est pas pour me l'impéter, mais en syndicat, ce n'est quand même pas construction, ce n'est pas quand même très féminisé. On a des femmes qui arrivent et systématiquement, on a dit, on essaie de les mettre en responsabilité tout de suite. Pas de façon artificielle, hein. Là, c'est notre secrétaire, c'était une camarade des CSR qui est une femme. Et on a 4-5 copines, pareil, et on essaie systématiquement de les mettre en responsabilité, c'est avec formation, ainsi de suite, quoi. Mais c'est une politique volontariste, mais qu'il faut faire. Après, c'est systémique, quoi. Enfin, il faut pousser les femmes en responsabilité, mais à condition que tout l'écosystème leur permette aussi, quoi. Donc, ça nous a chamblé bon, l'écosystème, c'est, quoi, aussi. De toute façon, c'est, on va pas lancer ce débat maintenant, parce que c'est fort, mais il y avait toi qui voulais intervenir, il me semble. Ouais. Moi, c'est pour ça que ça a beaucoup parlé, le côté socialisation, espace de socialisation, parce qu'effectivement, on a plus ou très peu. J'ai passé quelques temps à la JOC, je suis à la chrétienne à un moment, et effectivement, la JOC existe. Elle fonctionne, elle tient sur quoi? Sur le fait qu'il y a, il y a un contenu politique qui est vide, mais bon, il n'y a pas grand-chose dedans, quoi. et un contenu d'action aussi qui est pas énorme, quoi. Sur quoi elle tient? Elle tient exclusivement au fait que, c'est des espaces de socialisation, et qu'en fait, les jeunes, entre guillemets, qui y restent, ils y restent parce que c'est un espace de socialisation, c'est tout. Je vous rejoins totalement sur le fait que c'est des choses fondamentales et qu'il y a un énorme vide à ce niveau-là et que cet énorme vide, on serait bien avisé de le remplir. Voilà. C'est quelque chose que j'ai participé en termes de réflexion et aussi de mise en place à essayer de faire par la suite quand j'étais à Solidaire étudiante. Et je trouve là aussi qu'il y a une énorme dépréciation, on va dire, du syndicalisme étudiant dans le syndicalisme de façon générale, ce qui est une énorme erreur, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même 2,5 millions d'étudiants dans ce pays, et autant la quantité de personnes qui sortent des études diplômées, c'est sûr, c'est pas une grande proportion de la population. En revanche, la proportion de personnes dans ce pays qui rentrent dans l'enseignement supérieur ou même dans les CFA, etc., par exemple, de formation de façon générale, mais même juste si on se limitait juste à l'université, ce qui est à mon avis une erreur, mais bref, même en se limitant là, en fait, il y a quasiment y a une majorité d'une tranche d'âge qui passe par ces lieux-là, et donc qui sont des espaces, enfin, moi je l'ai vu très clairement et j'ai vu la différence avec en faisant du syndicalisme dans ma boîte après. C'est des espaces dans lesquels on peut. On a une liberté d'expression qui est inimaginable, dans lesquels on peut toucher des personnes en fait, qui sont en majorité précaires, prolo, etc., qui travaillent en fait, les gens travaillent, enfin, tu vois. Ces espaces-là ne sont vraiment pas assez investis en fait, par les syndicats, tout simplement. C'est quelque chose qui, à mon avis, gagnerait à être construit aussi pour ces questions de socialisation. Enfin, je veux dire, même dans le syndicalisme étudiant, il y avait aussi une dépréciation de des espaces de socialisation en disant « Ah non, ça c'est les B2 qui s'en occupent, etc. » Alors que pas du tout, en fait, on peut faire des espaces de socialisation syndicaux, et ça fonctionne en fait. Ça aide à une culture qui ensuite permet de mobiliser sur des questions, sur des bases qui sont en fait de classe, et pas juste de « Ah, on est étudiant, etc. » Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la question de socialisation. Enfin, projet, voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, mériterait d'être creusé et travaillé. Commentaire. Commentaire. Après, t'es étudiant. Il y avait Sophie. Non. Après, c'est. Je peux dire. Vas-y. Ouais. Moi, c'était sur les questions de réunification et de socialisation. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a posé Sam sur les problèmes concrets qu'il peut y avoir. Parce que, par exemple, moi, en ce moment, je ne suis pas sûre de rester dans le syndicat où je suis, du fait de problèmes très importants en termes de démocratie interne, pour résumer, dans ma section syndicale actuelle. Et du coup, c'est vrai que avant de se réunifier, il faut déjà s'assurer qu'on se réunifie sur des bases où on a les garanties de la démocratie interne. Le truc c'est que par contre sur comment se réunifier si on n'est que dans une confédération syndicale en tant que tendance, ça c'est une question pour vous. Et l'autre chose qui me semble qui existe déjà, c'est effectivement le lien avec la question des femmes. À ma connaissance, les choses intersyndicales qui fonctionnent, ce sont les formations, justement. Il y en a une nationale depuis longtemps qui est intersyndicale sur les questions femmes et travail, qui marche très bien, et les choses locales qui se développent actuellement. Et du coup, moi, sur Lyon et la région, il me semble que ce qui serait une prémisse de réunification, ça serait déjà peut-être de se mettre en réseau localement, en intersyndical, pas intersyndical d'appareil, mais intersyndical de militants de base, parce qu'on n'est pas tous des apparatchiks du syndicat. Moi, j'ai toujours été à la base, c'est un profil qui existe aussi. J'ai monté une section syndicale à Besançon, je ne suis jamais allée sur des responsabilités nationales et tout, c'est des profils qui existent. Faire des choses localement, à la base, en intersyndical, ça peut être en accentuant ce qui marche déjà sur les questions des femmes, puisqu'on voit que c'est une constante. Quand on arrive sur l'angle des femmes, on arrive beaucoup plus facilement à travailler en inter-orga, que ce soit syndical ou autre. Donc ça me semble un levier à creuser. Donc l'autre volet sur la socialisation, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé ce soir, c'est cette subsistance qui dure depuis un an là autour des ronds-points et compagnie. qui est en jaune, bon, jaune historiquement, c'est pas ça, mais ils le savent pas parce que de toute manière il y a eu une telle désertification et de transmission de la culture syndicale et ouvrière que les gens savent plus rien. Je pense que, je dis ça pour en avoir discuté avec Sam l'autre soir et avoir réfléchi depuis, je pense qu'une des raisons importantes pour laquelle il y a cette survivance depuis un an qui persiste des gilets jaunes, c'est que ce que les gens qui participent y trouvent, je connais des gens qui y participent et des fois je vais voir leurs actions, c'est que concrètement, il y a, enfin, moi les militants révolutionnaires de gauche, etc., syndicalistes CGT, membres d'union locale, actifs, pourquoi ils vont aux gilets jaunes? C'est pas parce qu'ils croient que c'est révolutionnaire? C'est parce qu'ils me disent, je trouve une solidarité que je trouve pas dans mon UL où on est sur des guéguerres d'apparatchiks. Une solidarité concrète qui passe par simplement, il y a une manif convergence avec les blouses blanches. Il n'y a pas à se poser la question de qui conduira la voiture sur nous avant. Tu fais une annonce sur place, il y aura toujours un volontaire. C'est des réflexes spontanés. Et puis également, par exemple, il y a une nana qui est dentelière dans les gilets jaunes Lyon Centre. Elle a proposé pour l'été de faire des ateliers initiation à la dentelle pour tricoter des gilets jaunes en dentelle pour l'été, parce qu'elle s'est dit avec la canicule ça va être dur de porter les gilets. Mine de rien, elle a réuni comme ça tous les lundis à la Bourse du Travail également des nanas qui étaient isolées dans la dèche et tout, et qui ont trouvé une socialisation, alors qui est contestée par les mecs du mouvement parce qu'il y a le machisme comme d'habitude. Ouais, de la dentelle, un atelier dentelle au rond-point, mais n'importe navaque, c'est pas... Voilà. Mais mine de rien, c'est, et sachant qu'elle est dentelière, elle a tout un réseau, elle, de dentelières derrière elle, qu'elle connaît depuis longtemps aussi. Donc on voit que là, on est sur des choses concrètes, mais qui du coup sont pas à l'intérieur du syndicalisme, se refont à l'extérieur. Et ça, c'est grave que ça ne trouve plus sa place dans le syndicalisme. Ouais. Merci. Je fais juste une parenthèse, comme vous êtes certains et certaines à partir. On a mis une fiche, un truc contact là, si vous voulez laisser votre mail pour avoir les infos du lieu et puis des suites qu'on va donner à cette gens. Est-ce que vous vouliez réagir? C'est des trucs concrets. Là. Sur la réunification, par exemple. Ah oui. Alors, notre tendance a vocation à être transconfédérale, donc. Là, nous, sur Toulouse, par exemple, il y a un jeune qui a adhéré il y a 15 jours qui est à FO, hein, qui vit très mal. C'est nous qui l'avons dorloté et je lui ai dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, hein, t'as FO, tu peux rester à FO, il n'y a aucun souci. Quoi. Il vivait très mal. Quoi, mais en même temps, dans sa tôle, c'est FO qui bossait mieux que celui de la CGT, donc voilà. Quoi. Donc c'est un point d'appui, en effet, pour. Nous, FO, l'UDFO n'est pas terrible, comme sur le département à Haute-Garonne, c'est quand même très anti-communiste primaire, donc on est perçu comme des communistes aussi. Donc voilà, donc, mais non, l'outil de réunification, donc il y a plusieurs outils. Bon, il y a la tendance en tant que telle, bien entendu, ça ne suffira pas. Il y a les lieux de sociabilité qui sont peut-être l'axe central. Du coup, c'est local. Ouais. Bah oui, parce que en plus, quand tu fais la fête ensemble, bon, bah, après, les engueulades, ça paraît quand même très, très secondaire quand les sigles apparaissent. Quoi. Les gilets jaunes de Lyon sont bien beaucoup aussi, mais ce n'est pas les mêmes effectifs. Oui, alors le problème quand même des gilets jaunes, alors nous les CSR ont été actifs assez rapidement, on s'est orienté parce qu'on avait fait un premier document sur les gilets jaunes, on s'était planté complet sur... ouais, on pensait vraiment que l'extrême droite et les relations patronales allaient avoir beaucoup plus de capacité à encadrer le mouvement. On l'a vu dès les premiers week-ends, donc à pas mal d'endroits, on était voir les camarades gilets jaunes sur les ronds-points, que c'était très prolo et qu'en effet il y avait ce que tu disais, hein, c'est clair, à peu près partout, même s'il y a quand même extrêmement à droite à gauche. C'est eux qui ont initié le mouvement. Hein. Enfin, concrètement, le noyau qui a initié le mouvement était des gens d'extrême droite, mais ils ont été largement. Débordés, faire des choses positives, ce que tu veux dire. Non, oui, bah, ils l'ont fait malgré eux. Ah, d'accord, comme les Alsaciens. Et. Après, il y a quand même des... parce que il y en a qui pensent qu'ils ont été récupérés par l'extrême droite. Non, c'est clairement des gens d'extrême droite qui ont essayé de nous. C'est pas de la Il y a quand même un gros problème, c'est l'égocentrisme, l'individualisme, et ainsi de suite, qui est encore pire chez eux. Que enfin, nous, c'est le bon, sur le Garonne, c'est peut-être pas vous, mais sur le Garonne, c'est le CSR qui a servi de lien entre la CGT et le Gilets jaunes, concrètement. C'est limite. Et après, donc, sur la sociabilité, on a merdé complètement sur les gilets jaunes, parce que ce que tu dis, en effet, pendant 15 jours, il y a un besoin de sociabilité. Des gilets jaunes qu'ils ont su un peu organiser, mais ils n'ont pas su ancrer dans la durée, quoi, à part quelques rares exceptions où ça perdure, mais c'est quand même, ça prend une tournure un peu affinitaire, d'ailleurs, hein, c'est plus trop ouvert sur l'extérieur, c'est entre gens qui sont rencontrés, donc ça prend une tournure amicale plus qu'autre chose. Mais on a complètement merdé là-dessus, bien sûr, on n'a pas su, pas manque d'analyse. Donc nous, on prépare une brochure qui est bientôt prête sur la sociabilité, justement, qui reprend une partie historique, pour pas dire que... Mais, enfin, l'histoire pour l'histoire, mais qui rappelle tout con, hein, tout bête, deux choses tout bêtes, c'est qu'on a rappelé quand même qu'au Moyen-Âge, les paysans au Moyen-Âge avaient beaucoup plus de vie culturelle que nous. C'est pas nous qui disons, ces historiens qui ont bossé sur la question, qui disent qu'au Moyen-Âge, ils n'arrêtaient pas de faire la fête, même dans les bleds où il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, il n'y avait pas beaucoup de Disney, de Fnac et autres. Il y a aussi une autre étude qui était faite sur Paris, sur le lien entre les syndicats, les luttes en 1830, 1834, les émeutes. Révolutionnaire des syndicats, l'émergence d'un séquestre de classe à Paris, le lien avec les sociétés de secours mutuels et le lien avec ce que lui il a démontré en bossant les archives ouvrières qui n'a jamais été fait quand même depuis plus de 50 ans. Les historiens font des études sur le mouvement ouvrier parisien en ce moment, sur quoi ils ont travaillé, puisque c'est lui qui a sorti les archives, quand même, donc les autres, je ne suis pas sûr qu'ils ont travaillé sur les cassettes audio souvent, mais bon. Et donc il a démontré qu'en fait la cartographie est la même, c'est-à-dire syndicats, sociétés de secours mutuels et guinguettes, goguettes. C'est-à-dire que les guinguettes, les goguettes, c'est-à-dire les bars à chanter et les bars à danser qui étaient énormes à Paris depuis 1800, sont développés très rapidement, ont servi de lieu de fraternité, de sociabilité, où sont venus domicilier les sociétés de secours mutuels et après nous sont émergés les syndicats. Quoi. Donc là, c'est un peu la confirmation de ce qu'on pensait, qu'on a vécu. Voilà. Donc vraiment refaire vivre ces lieux-là pour, c'est pas forcément des guinguettes et des goguettes, hein, mais d'autres formes peut-être, mais voilà, donc ce sera aussi les lieux de réunification. Après, il faudra que ça passe par des congrès d'unification. De toute façon, il y a aussi un truc qui va se faire, c'est la politique du vide. Hein. C'est-à-dire que là, les orientations, 90% des orientations syndicales actuellement n'existent plus. Elles existent sur le papier. C'est quoi ces deux délégués qui ont leur petit joujou à eux? Plus de réunions, il n'y a plus rien. Oui, c'est impressionnant. 80% des syndicats CGT ne sont ni en assemblée générale ni en congrès. Je parle de la CGT. Elle n'existe plus de CE, non? Dans ma propre section, s'il y a deux réunions par an, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc au bout d'un moment, la réunification, elle va se faire facilement. Hein. Tu vas être quatre dans une profession, dans une ville. Et non mais ça va être ça. On va tellement aller jusqu'au bout du délire sectaire que c'est 4 personnes qui se réunissent parce qu'ils se rencontrent sur les chantiers ou à droite, même boîte, même réseau professionnel. Bon, voilà, on va lancer un vrai syndicat qui, au bout de 6 mois, va être 10 fois plus fort que les autres trucs qui existent avec des sigles qui n'ont plus rien. De délégués qui vont avoir un rayon d'IRP, mais j'exagère à peine, c'est la réalité. Hein. On a 300 bases. Garonne, CGT, en réunion de préparation du 5 décembre, il y avait 30 syndicats tout cassés. 1 sur 10. Donc on peut se battre pour la réunification avec des sigles, oui, mais il n'y a plus de sigles. Il y a des sigles, il n'y a plus rien derrière. Il y a Alexandre qui voulait intervenir. Je propose que ça soit peut-être la dernière intervention, et puis après on passe à la fameuse sociabilité dont on parle depuis un peu de voir tous ensemble un coup. Moi j'avais 3 questions en vrac, mais je suis désolé si vous avez déjà abordé les sujets, parce que je suis arrivé extrêmement en retard. La première, c'est un peu dans le sens de ce que disait le camarade déjà qui est parti. C'est au niveau de la... L'ex. c'est par rapport à la jeunesse. Moi, je me souviens, dans mon syndicat étudiant dans lequel j'étais, on discutait de dire que, sur le principe, il faudrait une fédération des travailleurs en formation. Qui pourrait regrouper étudiants, lycéens, généraux, professionnels, peut-être l'apprentissage, etc. à voir. Bon. Je crois que vous avez un peu le même point de vue. Alors, peut-être pas forcément la même situation. J'aimerais savoir dans la CGT, c'est quoi l'état des lieux par rapport à cette perspective-là. par rapport au... La ligne de la conf, c'est de dire qu'il faut construire des syndicats dits multipro dans les UL pour essayer d'aller peut-être dans une direction qui serait plus conforme au syndicalisme d'industrie que vous défendez, où il n'y aurait pas les salariés des petites boîtes qui seraient isolés dans leur truc, et puis les salariés des grosses qui seraient dans leur syndicat. Et troisième question, est-ce que vous avez une activité dans la chimie? Parce que j'observe que si on lit la communication de la Fédération de la Chimie, qui semble un peu épicène ou je ne sais pas quoi, il parle de... c'est un discours très de classe, etc. Mais à la base, j'ai l'impression que c'est un syndicalisme très d'entreprise, à tel point que sur certaines plateformes chimiques, il y a 2 syndicats CGT qui sont proches de 300 mètres, mais qui ne vont pas discuter entre eux. Donc, est-ce que ce problème-là, vous avez dans ce secteur-là une activité pour essayer de le résoudre? Voilà. Alors, je répondrai. C'est super en vrac, désolé. Ouais, y a pas de souci. Sur la situation actuelle sur l'organisation de la jeunesse, ça va être un mot simple, c'est la RES. Voilà. C'est le bordel, c'est au niveau CGT, il n'y a plus rien. Enfin, c'est totalement. Je veux dire, il y a un bureau jeune CGT. Mais il n'y a plus de coordination, il n'y a plus rien, ou en tout cas on n'est pas au courant. Alors... Ah, mais au niveau national, en fait, c'est parce que, enfin, je me permets, excuse-moi, ouais, parce qu'on a traité quand même le sujet il n'y a pas longtemps. Et... Au niveau national, c'est assez compliqué au niveau jeune CGT, mais parce que, de toute façon, les jeunes sont plus jeunes et qu'ils n'ont pas renouvelé. Par habitude, tu fais les choses et en fait, tu oublies de renouveler, c'est super. Mais il y a aussi une volonté au Congrès national de ne pas avoir les jeunes. Mais ça, c'était encore une autre lutte des jeunes avec la Confédération en direct. Puisque d'habitude, on a une table de présentation au Congrès. Et là, on ne pouvait même pas être présent. On n'était pas invité. Donc bon, ça, c'est pareil. Par contre, après, plus localement, il y a des choses qui se font. enfin nous notamment à Lyon, on a relancé les permanences là, bon, en janvier on relance à la fac. On a relancé les permanences à l'ENS aussi. Et du coup, on s'adresse aux étudiants salariés, enfin, étudiants de toute façon en général, puisque quand ils sont dans la galère, ils sont vite salariés de toute façon. Et donc ça, c'est des choses qui se font localement. Voilà, le collectif jeune national, en fait, mise plutôt sur les actions locales, parce que c'est très dur de réunir tout le monde aussi à Paris tout le temps. C'est rarement les gens qui ont le plus de moyens. Et ça reste en plus sous l'appellation collectif, donc si tu veux, c'est très vaseux, on n'est pas obligé de faire vivre ça tout le temps. Donc c'est localement que ça s'organise, il y a beaucoup de villes qui font quand même des trucs intéressants. Donc à Lyon, voilà, on fait ça, et si tu as entendu, on réanime les bourses du travail du côté socialisation, avec des conférences gesticulées, là on va rajouter des ateliers et pas mal de petits trucs. Mais voilà, c'est des idées, et après tu es preneur d'idées, et je pense que sur la jeunesse, le plus gros reproche qu'on nous a fait, c'était surtout qu'on laissait beaucoup de... La politique de la CGT, notamment dans le Rhône, c'était l'UNEF qui... L'UNEF est là-bas, donc on ne marche pas sur leur plate-bande. Moi, c'était dans le sens de base organisée en tant que dans les facs, dans les lycées, etc. Oui, mais c'était les bases de l'UNEF, donc on n'avait pas le droit d'y aller. Voilà, voilà. Oui. Et ça, ça a été, je crois, réaffirmé au dernier congrès. Sauf que nous, on l'a fait péter à Lyon. C'est pour ça qu'ils veulent plus de bourse. C'est après la ligne confédérale, clairement. Ouais, c'est les étudiants, c'est l'UNEF, c'est ça. Après, franchement, c'est tellement le bordel que si dans une UD, une UL, t'as un peu de poids... Tu fais entre guillemets un peu ce que tu veux, quoi. Après, nous, on n'est pas forcément sur la ligne de monter une fédération des travailleurs en formation. Hein. Déjà parce que le rattachement, une fois de plus, il se fait à son syndicat local de branche. Ça peut venir de deux façons. Un étudiant salarié, il peut y avoir le rattachement là où il bosse actuellement. Bon, la plupart du temps, on va pas se mentir, c'est avec le syndicat du commerce ou le syndicat de la restauration. Hein. Les boulots étudiants, c'est quand même souvent ça. Mais ça peut être aussi le boulot vers lequel la personne se projette. Parce qu'on a trop tendance aussi, dans les mouvements de gauche, à aller sur ce phénomène du précaire mythifié, où en gros c'est on ne sait pas encore dans quoi il va aller, c'est ça. Bah, le but c'est aussi de se projeter dans l'avenir. Et c'est aussi de réussir à reconstruire une formation professionnelle qui a de la gueule, quoi. C'est-à-dire qu'un boulot que tu vas commencer, dans lequel tu vas commencer à travailler, tu ne l'improvises pas. C'est des années de formation, c'est de l'expérience accumulée, ça peut être des changements de branche aussi, hein, suite à un parcours personnel. Mais on ne s'improvise pas professionnel dans un métier en 2 ans ou un truc comme ça. C'est de la formation, c'est de la pratique, c'est de l'expérience accumulée, partagée avec les autres. C'est ça aussi un élément qu'il faut qu'on arrive à impulser. Qu'on combatte la politique patronale d'avoir des galériens à merci, des ouvriers spécialisés à tout va qu'on ne forme pas, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on a à combattre aussi. Et voilà, donc pour donner un exemple concret, on a le syndicat du livre parisien. On a un camarade, Guillaume, qui a fait un petit bouquin d'ailleurs. C'est un syndicat qui regroupe les imprimeries de labeur tout ce qui est presse, enfin un peu tout ce qui relève de la FILPAC, donc c'est l'industrie du livre, quoi. Et il nous a expliqué qu'au sein de leur syndicat général du livre et de la communication écrite, ils ont monté une section dans une école des arts graphiques, donc une section d'étudiants, hein, qui sont devenus une section CGT de l'école des arts graphiques. Donc il peut y avoir un rattachement comme ça. Et au-delà de ça, comme dit, hein, des collectifs jeunes au sein des syndicats, au sein des UL, des UD, tout ça. Sur l'activité dans la chimie, alors ça tombe bien parce que dans le Haut-Rhin, on va dire qu'en termes d'industrie, la moitié de l'industrie, c'est de la chimie. Il n'y a que ça. Ce qui s'explique par rapport à proximité suisse et allemande. On est clairement, nous, dans les années à venir, ça va s'intensifier. Hein. On est l'Interland de la Suisse. Hein. On n'est pas orienté France. On est vraiment... sur le bassin suisse et allemand industriel, quoi. Donc il y a beaucoup de chimie. Et l'exemple que tu citais, je ne sais pas si c'est celui de chez nous, mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Mais en fait, il s'est exactement passé ça chez nous, avec une boîte qui s'appelait Solvay. Rachat, enfin division d'un côté par Butachimie, de l'autre côté par Solvay. Ils ont créé deux syndicats d'entreprises scindées différents. Et bah, ça a été un réflexe pour la fédération, c'était normal, c'est parce que c'est calqué sur les IRP, c'est calqué sur... en fait, le syndicat, il porte le nom de son maître. Le syndicat CGT Solvay, c'est le syndicat CGT du nom du patron. Le syndicat CGT Butachimie, pareil. On a réussi justement à casser ça à un autre endroit. Le truc, c'est qu'en fait, il faut impulser le discours. Quand tu impulses le discours avec des nouveaux militants, voire des militants qui ne sont pas des compos qui veulent avancer, franchement, bah, tu vas au pied en deux temps, trois mouvements. Il y a des camarades qui sont venus me voir sur un autre coin du département. Pareil, site chimique divisé entre plusieurs entreprises. Ils me font « Ouais, mais on est emmerdé, là, il faut qu'on monte deux syndicats d'entreprise et tout. » Et ils me regardent, et de même, ils disent « Mais attends, mais par exemple, on a les ASC, elles sont gérées en commun entre les entreprises. Mais on ne peut pas monter juste un syndicat commun pour les deux, c'est plus simple. » Et parfois, les salariés, ils ont juste... Parfois, les salariés, ça leur semble évident, et c'est des responsables syndicaux qui mettent les bâtons, parfois. Qui disent « Mais non, non, à la CGT, on monte un syndicat par entreprise. » En fait, quand on est à des postes à responsabilité comme ça, il suffit d'impulser le discours, ou parfois même d'écouter la personne, d'écouter ce qu'elle dit, et dire, bah écoute, ce que tu me dis là, c'est qu'en fait, vous voulez tous vous regrouper au sein de la branche sur votre commune. Oui, oui. Bon, bah voilà. Franchement, parfois, il n'y a même pas besoin de faire des discours théoriques à deux balles. Hein. C'est, tu laisses la personne parler, tu l'écoutes, et tu te rends compte qu'en fait, elle est en train de dire ce qu'on dit depuis des années. Alors que par contre, le responsable départemental syndical et tout ça, tu vas ramer pour le convaincre. Hein. Ça va être 3 ans de discussion... À ce que de ta question ouais. Sur les jeunes et sur les outils de réunification, on a aussi, bon, on va pas se mentir, on a lancé une initiative des jeunes syndicalistes, on a recréé les jeunes syndicalistes. Donc c'est pas l'organisation de jeunesse des CSR parce qu'on est contre, ça n'a aucun sens. On contre saucissonné, donc on n'aura pas créé une organisation de jeunesse des CSR, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'en effet, les cas de figure sont tellement complexes. Et entre autres, tout bête, hein, c'est que la plupart des cas actuellement, on discute avec les camarades, on leur dit, mais attendez, de toute façon, si même rejoindre la CGT dans la plupart des syndicats CGT, les jeunes, s'ils veulent se syndiquer à la CGT et monter une commission jeune, ils vont être refusés, quoi. C'est perçu comme un danger par la bureaucratie. Bon, inconsciemment ou inconsciemment, c'est pas que la CGT. Donc il y a plein de cas de figures différentes, c'est qu'il y a une recomposition étudiante qui est sûrement la dernière, puisque moi, ça fait comme 30 ans que je la vois, qui se recompose. Et avant moi, il y a eu pendant 30 ans une recomposition étudiante, donc on est qui n'est pas fini. Quoi. Donc là aussi, ça ne peut pas être une réponse vraiment unifiante et globale. Donc l'idée des jeunesses syndiquées, c'était tout con, c'est en fait de permettre, enfin, parce que dit Antoine, c'est aussi qu'on arrête de suivre l'adversaire dans ce qu'il veut qu'on soit, et qu'on définisse nous, notre terrain de l'affrontement. C'est à nous à choisir, tiens, tu ne peux pas gagner une guerre si ce n'est pas toi qui choisis le terrain où tu vas amener la bagarre. Et le but, c'est d'amener l'adversaire sur ton terrain. Ils veulent qu'on ait des camarades en effet précaires, ils ne sont pas qualifiés, ils veulent qu'on ait des jeunes qui changent de boulot tous les 3 mois et de statut tous les 2 ans, on va dire non maintenant. Donc on va avoir une réaction qui permet en effet de maintenir la continuité. Donc l'idée c'est qu'on ait des relances, on a relancé les jeunes syndicalistes où il y a fonction des villes, donc lycéens d'entrée, quand ils vont à la fac, ils ne changent pas d'orientation, ils restent jeunes syndicalistes, ils arrivent étudiants, s'ils bossent, ils sont jeunes syndicalistes dans la boîte, s'ils changent de boulot, ils sont jeunes syndicalistes, quand ils sont enseignants, ils sont jeunes syndicalistes, ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est de permettre aussi, pour répondre à la question de la réunification syndicale, il peut être GS en tant que GS directement, il peut être GS en tant que CGT, par exemple les jeunes du Nord, le syndicat étudiant lycéen du Nord, ils ont des jeunes syndicalistes, nous chez nous, notre commission jeune CGT de la construction, ils sont jeunes syndicalistes, et ça permet même aussi à des camarades de solidaires, ou là, qui CNT ou autres, ou pas syndiqués, comme je disais, de rejoindre, donc voilà, pour faire, et bien sûr, ouvert à toutes les sensibilités sur la base à Charte d'Amiens. Donc voilà, pour eux, on pense, bon, ça va être un outil qui permettra à terme, dans le cadre d'une confédération unifiée, d'avoir l'organisation de jeunesse dans la confédération unifiée, mais là, de répondre dès maintenant aux besoins de la jeunesse, parce que c'est quand même 3-4 ans qu'il y a des mouvements de jeunesse pratiquement tous les ans, qui finissent en cacahuètes, pour deux raisons, hein, c'est-à-dire pas de transmission de l'expérience et des outils syndicaux qui ne sont pas adaptés. Quoi. 36 orientations, qui est encore une fédération qui s'est créée récemment d'étudiants, enfin, ça change tous les 6 mois, j'exagère à peine. Quoi. C'est pas possible, on ne peut pas mener des bagarres, quand même. Enfin, gagner des batailles avec des outils qui sont en perpétuel renouvellement, transformation, scission et rescission sur rescission. Donc voilà, donc il y a ça qui a été lancé, donc il y a un site avec du matos, ainsi de suite. Quoi. Juste sur le. Donc là aussi, on dit aux camarades des orientations affinitaires, il faut vraiment qu'il y ait un débat en interne. Parce que là, on le pense sincèrement. C'est pas nous, on dit pas ça du tout méchamment. Parfois, on nous dit, ouais, vous êtes anti ceci, le ça, pas du tout. Mais vraiment, il y a un gros problème. Hein. J'ai dit, moi, sur mon syndicat, mais je suis pas le seul, on voit à peu près partout, ou souvent. c'est vraiment par rapport à ce que tu disais sur la chimie, ça, c'est-à-dire qu'on a une fédération qui est supposée être la plus dure de la CGT en termes philosophiques. Or, c'est la plus bloquée, comme l'agroalimentaire pareil, hein, qui prend les mêmes contenus philosophiques. Or, sur la question de l'orientation syndicale, c'est problématique. C'est-à-dire que c'est eux qui sont le plus pour les syndicats d'entreprise. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, la philosophie communiste sert de blocage au fonctionnement syndicaliste efficace. Donc c'est vrai que là, il y a eu les premiers congrès latins sur le communisme. Il faudrait que les camarades relisent tous les premiers congrès, parce qu'il est marqué dedans qu'il faut des syndicats d'industrie quand même. Donc en France, normalement, on ne peut pas être communiste si on n'est pas pour l'application de l'attention à la communiste. Il faut des syndicats d'industrie, non pas de syndicats d'entreprise. Donc il faut vraiment que les organisations affinitaires disent aux camarades, quel que soit le courant, hein, du communiste libertaire, en ultra-gauche, enfin tout le monde, que quand on est communiste, on est contre les syndicats d'entreprise. Et donc dans son syndicat, on est contre le syndicat d'entreprise. Et si on a un syndicat d'entreprise, il faut demander la fusion pour faire un syndicat d'industrie, puisqu'on est communiste. C'est le rôle d'une organisation affinitaire, c'est de faire ça. C'est de préparer la révolution. Et quand on dit ça, que ce soit en direction de l'extrême gauche mainstream ou même des Stahl et compagnie, c'est pas ce que tu leur racontes. Hein. Bah, non, tu leur sais le texte. Tu en sais le texte. Ouais, mais je sais. Tu en étais comédien. Ils savent pas lire. Ils savent pas lire. On se social-démocratisé. Non, l'autre fois, on l'a dit à Martinez, on a dit qu'à la CGT, on est très. On l'a dit, enfin, en public, hein, il a rigolé jaune, mais on l'a dit, mais c'est vrai qu'à la CGT, on est très, très. Très rebelle, puisqu'on est, on est pire que les esclaves afro-américains. Chaque fois qu'on change de maître, en effet, on va vite courir à la mairie pour changer le nom de son maître et changer le nom du syndicat CGT, quoi. Donc, moi, j'ai mal comique, il a changé de nom, lui. Moi, cette dignité-là, il ne voulait pas porter le nom de son maître, la CGT, si on court à la mairie pour changer le nom de son maître dès qu'on est racheté par un nouvel actionnaire, quoi. C'est vrai que la fédération météorologique, c'est pareil, quoi. Ils ont tous par boîte. Il faut casser ça culturellement, parce que je déconne, mais c'est vrai qu'en France, les latinos, on est latino, vraiment, c'est cette culture de révolutionnaire de salon qui bloque tout, quoi. On peut se permettre tout et n'importe quoi parce qu'on est communiste le week-end et on est ceci, cela. Donc il faut remettre du sens derrière les mots, quoi. Le communiste, c'est quoi? On doit en parler dans les syndicats, quoi. En faisant du travail que faisaient les anciens, quoi. C'est une éducation sur les mots, quoi. Eh ben merci. Merci. Laissez vos coordonnées pour recevoir les informations nécessaires ou vos coordonnées. J'ai préparé un petit fiche contact et puis restez boire un coup aussi. Je crois que je les reçois.